France Info. En voilà une manière bien inhabituelle de passer son réveillon en mer, embarqué sur un maxi trimaran. Yann Guichard participe en ce moment au trophée Jules Verne au beau milieu de l'Atlantique Sud. Alors forcément, le réveillon pour lui est plus sage que festif. On vient juste de quitter les côtes brésiliennes, donc on fait route en plein nord direction Ouessant. Ça manque un petit peu de vent et dans quelques heures, on va passer l'équateur. Ça va être à 2 heures près au même moment de passer la nouvelle année. À quoi est-ce que ça va ressembler cette soirée pour vous? Ça va être une surprise. C'est Xavier Rosier là-bas qui s'occupe un peu de tout. Il nous a acheté le Père Noël à Noël. Et là, j'espère qu'on aura un petit repas amélioré, sûrement des pâtes avec une petite sauce améliorée par-dessus. Et surtout un moment partagé tous ensemble. En plus, on repasse l'équateur après plus de 35 jours de mer. Et ça va être un moment sympa à vivre tous ensemble sur le bateau. Donc c'est le principe, en fait. Vous savez pas ce qui vous attend. C'est une surprise concoctée par l'un de vos marins. Exactement. Il y a comme ça eu quelques petites surprises assez sympas. En plus, tout le monde, on réveille un petit peu tout le monde parce qu'on n'a pas l'occasion. Enfin, moi, j'ai l'occasion de voir tout le monde, mais les équipiers, des fois, ils ne se voient pas trop puisqu'on fonctionne par quart. Là, on va tous se retrouver les 14 pour le pont. Et c'était cette nouvelle année en espérant avoir un peu plus de vent parce qu'on galère un petit peu là depuis 7-8 jours maintenant. Quand même, Yann Guichard, au moment d'embarquer le matériel, les provisions, vous avez peut-être eu un petit aperçu de ce qui vous attendait pour le réveillon, une petite coupe de champagne? En fait, je vérifie tout et il me demande si on a droit, pas droit d'amener et on aura une petite coupe de champagne, mais c'est plus pour l'équateur que la nouvelle année. C'est une tradition de marin quand on passe l'équateur à l'aller, au retour, c'est une offrande aussi à Neptune et à Éole, et à l'aller on a donné un petit peu de saucisson et du champagne à la mer, et au retour ce sera sûrement la même chose, et on en profite ça pour boire un petit peu de champagne, et c'était la nouvelle année. Le champagne, c'est compatible avec la navigation à grande vitesse, même s'il n'y a pas beaucoup de vent en ce moment? C'est une demi-bouteille de champagne, on est 14 à bord, et on en donne les trois quarts à la mer, donc je pense que ça a un grand effet, c'est plus la symbolique qui est importante. Et surtout, on est toujours concentré sur le record parce qu'on a repris un peu de retard vu les conditions météo difficiles qu'on a eues. Et on reste bien concentré pour l'objectif, pour essayer de diminuer ce retard au maximum. Malgré le défi, la course au record, est-ce que vous allez prendre le temps d'envoyer quelques messages à vos familles respectives pour la nouvelle année? Oui, bien sûr. Ça a bien évolué par rapport aux courses il y a quelques années. Maintenant, tous les équipiers à bord ont un mail perso avec qui ils peuvent envoyer des emails, des vœux de bonne année à toute leur famille, à leurs amis. Et donc on reste quand même assez connecté avec la Terre, même si on est loin, et tout le monde va envoyer son petit message personnel à sa famille. Bien sûr, on téléphone pas sur la Terre parce que ça prend du temps, et chacun peut envoyer des petits messages. Et tous les jours, on reçoit d'ailleurs des news de la famille, et il y a notre équipe aussi à Terre qui nous envoie des petites news du monde pour qu'on reste au courant de ce qui se passe sur Terre. Le skipper Yann Guichard, interrogé par Julien Mock. On fait maintenant le point sur la journée à la Bourse de New York avec Pierre-Yves Dugas. Et ce soir, Wall Street a clôturé en baisse. Le Dow Jones termine l'année sur une baisse de 179 points à 17 424, son plus bas niveau de la séance. Le Nasdaq perd 58 points et finit à 5007. La première surprise aujourd'hui, le rebond de plus d'un pour cent du baril de pétrole qui termine donc 2015 à un peu plus de 37 $, soit une chute de 31% cette année. Seconde surprise, cette hausse du pétrole aujourd'hui n'a pas dopé les cours des actions, même pas les cours des sociétés pétrolières. Troisième surprise, la légère hausse des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage. On anticipait au contraire un nouveau repli. Pour autant, on reste à un niveau extrêmement bas. L'euro perd 0,6% et finit ce soir à 1,0865. L'indice Dow Jones donc abandonne 1%. Le Nasdaq chute d'1,2% sur l'ensemble de l'année. Le Dow Jones perd 2,2% et le Nasdaq cette année parvient à grimper de 5,7%. Les cotations reprennent lundi 4 janvier. Merci Pierre-Yves Dugas. Dans quelques secondes, un nouveau journal sur France Info. Avec VNF, l'assureur qui prend soin de vous, rappelez-vous que l'alcool est une des principales causes de mortalité sur la route. Désignez un conducteur qui restera sobre. VNF, assurément humain. France Info, le réflexe info. Vous écoutez France Info dans quelques secondes. 22h30, on fait un nouveau point sur l'actualité avec Armand Peyrouliga. Il se pose en président protecteur face au terrorisme. François Hollande a présenté ses vœux aux Français ce soir. Un discours de 9 minutes, debout, sur un ton solennel et grave. Il prévient que nous n'avons pas terminé avec le terrorisme et que la menace reste à ce plus haut niveau. François Hollande assure que les djihadistes reculent en Syrie et en Irak et que la France va poursuivre ses frappes. Il confirme aussi son projet d'élargir la déchéance de nationalité. Le chef de l'État décrète également l'état d'urgence contre le chômage, dossier prioritaire pour 2016, dit-il, avec deux annonces. Le gouvernement va lancer un plan massif de formation pour les demandeurs d'emploi, pour 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. Il y aura aussi de nouvelles aides à l'embauche pour les PME dès le début de l'année. Enfin, après la COP21, François Hollande annonce un programme de grands travaux pour rénover les bâtiments, développer les énergies renouvelables et la croissance verte. Ce soir, les réactions politiques sont nombreuses. Voici celle de Thierry Soler, député Les Républicains. Pour lui, François Hollande n'apporte toujours pas les bonnes réponses face au chômage. Je suis convaincu que le président de la République se rend compte du bilan catastrophique de son gouvernement depuis qu'il est président de la République sur ce sujet et que de 31 décembre en 31 décembre, à chacun de ses vœux, il en fait sa priorité numéro un, c'est bien sûr celle des Français avec la sécurité publique. Le problème, c'est que comme chaque 31 décembre, on n'a aucune réponse de fond de ce qui va permettre de faire reculer le chômage. La seule chose qui permettrait de faire reculer le chômage, c'est d'avoir des entreprises plus compétitives, un niveau de charge plus bas. Pour ça, il faut réformer l'État, avoir un État moins omniprésent sur tous les sujets, un niveau de charge plus bas. Partout en Europe, il y a eu des créations d'emplois le mois dernier. On en a eu 40 000 de moins le mois dernier en France. Ce n'est pas parce qu'on a une incantation de 500 000 personnes suivies de plus que vous verrez à la fin de l'année 2016 quelques changements que ce soit. La seule solution pour que notre pays retrouve le chemin de la croissance et de l'emploi, c'est de réformer profondément l'État, de le concentrer sur les missions régaliennes et d'arrêter d'avoir un niveau de charge qui est rédhibitoire. Thierry Soler, député Les Républicains. Autre réaction, celle de Pierre Lorrain. Pour le Parti communiste, il ne voit dans ses annonces aucune mesure efficace pour la création et la protection de l'emploi. Et puis à Europe Écologie Les Verts, on y voit un discours sans annonce concrète, si ce n'est l'entêtement sur la défense de nationalité. Félicitations. Après la politique, la fête, on est à moins d'1h30 de 2016 en France. C'est un réveillon sous très haute sécurité à Paris, avec des festivités sobres sur les Champs-Élysées. Pas de feux d'artifice, seulement une projection vidéo d'une dizaine de minutes sur l'Arc de Triomphe, suivie d'un décompte pour atteindre minuit. Actuellement, 1700 pour les feux qui brillent la zone pour assurer la sécurité des badauds. Des badauds qui ne sont pas encore très nombreux. Il n'y a pas foule, nous disait tout à l'heure à 22h notre journaliste sur place. Dans toute la France, ce soir, plus de 100 000 policiers et gendarmes sont mis à contribution. Le chiffre a été donné par le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Ailleurs dans le monde, de nombreux pays renforcent aussi leurs dispositifs de sécurité pour cette soirée du 31 décembre. C'est le cas des États-Unis, de la Turquie ou encore de la Russie. À Moscou, la place Rouge est fermée au public en ce moment. Un grand feu d'artifice a eu lieu il y a moins d'une demi-heure dans la capitale russe, qui est donc déjà passée en 2016. En Belgique, la situation reste tendue. Ce matin, 6 nouvelles personnes ont été interpellées dans la région de Bruxelles et ce soir, 3 sont toujours en garde à vue. Les autorités les soupçonnent d'avoir projeté un attentat ce soir pour les festivités du Nouvel An. Toujours en Belgique, une 10e personne a été inculpée ce matin pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Il s'agit d'un Belge de 22 ans. Il se concerne cette fois l'enquête sur les attentats parisiens du 13 novembre. Et puis la fête a été un petit peu gâchée ce soir à Dubaï après un gigantesque incendie dans un hôtel de luxe en plein centre-ville, dans une tour de 306 mètres de haut, près de la plus haute tour du monde de Burj Khalifa. Il n'y aurait que 16 blessés selon les autorités locales. L'hôtel a pu être entièrement évacué. Les images étaient impressionnantes, de gigantesques flammes sur plusieurs dizaines d'étages le long des murs de cette tour. Pour l'instant, aucune information sur les causes de ce sinistre et le feu d'artifice a eu lieu malgré tout à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Merci Armand Peyrouliga. France Info, il est 22h34. France Info. 21h minuit. Céline Aslo. Il sera le 10e Français à partir dans l'espace l'année prochaine. Thomas Pesquet va rejoindre la station spatiale internationale. Le spationaute est l'invité de Bruno Rougier. Ce sera juste après la météo. France Info Météo, avec Maison France Confort, constructeur national de maisons et entreprise familiale depuis 5 générations. Rendez-vous dans nos agences ou sur maisonfranceconfort.fr. C'était les prévisions de ce 1er janvier 2016. C'est avec Jean-Michel Golinski à Météo France. Avant le retour au calme en fin de nuit prochaine, avec pas mal de brouillard en toute région, des gelées blanches notamment dans l'intérieur de la Bretagne et du centre au nord-est, le début du réveillon sera marqué par de fortes averses de la Bretagne au nord de la Seine et toujours quelques gouttes près des frontières de l'Est. Le soleil sera souvent absent du paysage français ce 1er janvier. Les brouillards et les nuages bas très denses en début de matinée évolueront très peu l'après-midi entre le nord de la Seine et le quart nord-est. Sur le Languedoc et le Roussillon, le vent marin va maintenir une grisaille tenace qui va s'accompagner de pluie sur les Cévennes. Et puis sur la façade atlantique, dès le début de la matinée, le vent va commencer à se lever vers 80 km à l'heure, précédant l'arrivée rapide de la pluie dans un premier temps sur la Bretagne, puis sur toute la moitié ouest du pays avant la tombée dans la nuit, en apportant de la neige sur les Pyrénées. Notez que les autres massifs seront servis au cours du week-end. Les températures de l'après-midi vont afficher 12 degrés sur la Bretagne, 13 à 16 sur les régions méridionales et de 8 à 10 sur le nord, le bassin parisien, le centre et du nord-est à Rhône-Alpes. Merci Jean-Michel Golinski à Météo France. Les mots de la foule. Allez, on va quitter la Terre quelques minutes, direction l'espace avec Bruno Rougier et ses invités, car le mot de l'info ce soir, c'est spationaute. Spationaute, le métier de Thomas Pesquet, le prochain Français à partir dans l'espace. Ce sera au mois de novembre. Il rejoindra la Station Spatiale Internationale pour 6 mois. Ce sera le 10e Français à partir dans l'espace. Le premier vol d'un Français remonte à 1982, le dernier à 2008. Qu'est-ce que l'humanité peut encore apprendre avec ces missions? Pour en parler, Thomas Pesquet, spationaute, bonjour. Bonjour. Et Jean Coan, attaché de communication de l'Agence Spatiale Européenne, bonjour. Bonjour. Alors, Thomas Pesquet, vous êtes astronaute de l'Agence Spatiale Européenne depuis 2009. Vous vous entraînez depuis mars 2014. Entraînement très intensif. Investissement personnel énorme. Ça vaut vraiment le coup? Oui, alors du moins j'espère, parce que sinon c'est un peu dommage. Non, bien sûr que ça vaut le coup, c'est quand même une expérience qui dépasse l'entendement. Je pense au niveau personnel d'aller dans l'espace, c'est mon rêve d'enfant, donc atteindre son rêve, ça nécessite toujours des sacrifices. Vous n'êtes pas le premier, je le disais, à partir dans l'espace. Vous allez y rester 6 mois. Qu'est-ce que vous allez faire de différent qui n'a pas encore été fait par l'homme dans l'espace? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui dans la Station Spatiale Internationale, c'est vraiment de la recherche. On met ce laboratoire qu'on a achevé en 2011. Hein, les derniers modules, c'est vraiment 2011-2012. Donc, il tourne à plein régime que depuis 2-3 ans. Donc, c'est faire de la recherche, utiliser les propriétés de l'impesanteur pour avoir accès à des phénomènes physiques ou chimiques ou biologiques qui sont masqués sur Terre, faire avancer la connaissance et puis mettre tout ça au service et des citoyens de la Terre. Mais ça veut vraiment dire que vous allez faire des expériences qui aujourd'hui n'ont pas encore été faites? Oui. Alors c'est vrai que parfois on a du mal à croire, on se dit mais on va dans l'espace depuis 40-50 ans, mais il faut voir qu'au début c'était essentiellement uniquement des missions d'exploration. On allait dans l'espace pour aller dans l'espace, on plantait un drapeau ensuite on a eu la station Mir, mais qui était uniquement côté russe. C'est la première fois maintenant depuis 98 avec la station spatiale qu'on a un laboratoire international qui est mis à la disposition de la communauté scientifique. Donc ça ouvre des possibilités qu'on n'avait pas à l'époque. Alors Jean-Claude, justement, on le disait, depuis longtemps on va dans l'espace. Finalement, qu'est-ce que l'espace a apporté? Qu'est-ce que la science dans l'espace a apporté pour nous les humains? Mais comme le disait Thomas tout à l'heure, bon, ça fait même pas 50 ans qu'on est dans l'espace. Là, il y a une continuité, une permanence dans l'espace. La science a permis de connaître plein de choses, de faire évoluer même les papers, on va dire, pour les astronautes qui partent dans l'espace. C'est un sujet, bien sûr, que toutes les mères de famille connaissent, et les pères de famille aussi, d'ailleurs. Et donc, bon, il y a plein d'exemples qui ne viennent pas directement en tête, là, tout de suite. La science a fait évoluer l'espace. L'espace a fait évoluer la science. Thomas Pesquet, est-ce que rester aujourd'hui en orbite autour de la Terre pour travailler dans un laboratoire, ça a encore du sens? Oui, ça a du sens. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'avec la station spatiale, on fait vraiment les deux. On fait de la recherche spatiale, donc il y a le côté de laboratoire. C'est vrai, comme tous les autres laboratoires qu'on a sur Terre, comme le laboratoire de l'INSERM, du CNRS, accélérateur de particules, on est vraiment scientifique, laboratoire scientifique au même titre, mais c'est aussi un pas sur la route de l'exploration, et c'est un pas qui était nécessaire. Si si on veut aller faire des missions plus lointaines dans le cosmos qui vont durer plus longtemps, ben, il a fallu apprendre à vivre dans l'espace. Et ça, on le fait avec la station spatiale. Maintenant, on a maîtrisé cette orbite basse terrestre. Il va être temps d'ouvrir derrière nous le passage pour la sphère un peu privée. Et puis les astronautes professionnels vont aller comme ça de plus en plus loin dans le cosmos. Justement, vous le dites, donc, Thomas Pesquet, le moment est venu de quitter l'orbite terrestre. Oui, tout à fait, mais on a ça en ligne de mire depuis quelques temps déjà. On sait que maintenant, on voit cette transition qui s'effectue. Côté américain, maintenant, le ravitaillement de la station va être assuré par des vaisseaux privés. On voit des projets d'hôtels en orbite basse, peut-être demain une station scientifique, mais privée, où les laboratoires, où les entreprises vont pouvoir dire, nous, ça nous intéresse, telle recherche, on va faire ça. Et derrière, la NASA, l'ESA, main dans la main, s'engage sur des projets de capsules habitées pour aller de plus en plus loin dans l'espace. Donc, on est déjà engagé sur ce processus. Justement, Jean-Coin, l'avenir de notre Terre, de l'homme, peut-il dépendre de l'espace? Et je fais par exemple référence à certains minéraux que l'on pourrait trouver, des nouvelles sources d'énergie aussi dans l'espace. On a parlé bien sûr d'hélium 3, qui pourrait être utilisé dans des réacteurs de fusion nucléaire. On parle bien sûr de minerais, de choses qui pourraient être exploitées sur des astéroïdes, sur des comètes, récupérer des choses qui pourraient être intéressantes pour l'homme après sur Terre, et aussi bien sûr le développement de tout ce qui est possible à l'extérieur de la Terre, et puis c'est dans l'esprit d'exploration. Thomas, est-ce qu'il y a une chose dont on parle finalement rarement, mais la grande utilité de la Station Spatiale Internationale, finalement, est-ce que ça n'a pas été de permettre à plusieurs pays d'apprendre à travailler ensemble, américains, russes, japonais, européens? Ça paraît normal aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était extraordinaire. Quand on a vu un Américain serrer la main d'un Russe dans l'espace, tout le monde était étonné. Aujourd'hui, ils travaillent main dans la main. Oui, c'était complètement impensable à l'époque. C'est vrai que c'est un des succès les plus peut-être marquants de la station spatiale. C'est pas pour ça qu'on l'a fait à l'origine, mais c'est un succès que du moins il faut pas nier. Des pays qui étaient pas spécialement toujours amis sur Terre, qui parfois encore aujourd'hui malheureusement ne sont pas, maintenant travaillent la main dans la main de manière visible, de manière exposée au su et au vu de tous. Ça permet d'éviter que les conflits dégénèrent de manière encore plus dramatique malheureusement. On va continuer cette démarche-là. Aujourd'hui, on parle d'intégrer les Chinois. C'est un peu bloqué côté ISS, mais pour une grande mission d'exploration de demain, il faut intégrer toutes les bonnes volontés. Et puis si on va plus loin dans l'espace, il faudra le faire au nom de tous. Et ça veut dire vraiment englober le plus grand nombre de nationalités et de parcours différents sur Terre. Il y a des choses qui paraissent très triviales. Par exemple, je crois au départ, des problèmes qui se posaient, les prises n'étaient pas les mêmes dans le secteur américain, dans le secteur européen. Oui, il y a des interfaces mécaniques, électriques. Côté américain, c'est 120 volts. Côté russe, c'est 28 volts. Donc déjà, rien que ça implique d'emmener des convertisseurs. On y arrive, en fait. On voit que c'est pas facile, mais qu'on y arrive. Effectivement, travailler tout seul dans son coin, c'est toujours plus facile. Mais on peut pas espérer le même niveau de résultat. La station spatiale, c'est pas quelque chose qu'une nation individuelle aurait pu construire d'elle-même. Même les États-Unis, aussi puissants soient-ils, même les Chinois pourront pas faire aussi bien. Une mission vers Mars, ça impliquera que tout le monde tire dans le même sens. Autant partir de ce constat-là et puis mettre toutes les bonnes volontés sur la ligne de départ dès aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui? Vous le disiez, c'est un rêve d'enfance, mais est-ce que vous avez aussi une vision, je dirais, plus altruiste de votre mission? Bien sûr, moi je vois toujours qu'il y a deux choses dans cette mission spatiale. Il y a ma petite aventure à moi égoïste de vivre mon rêve, de voir la Terre de là-haut, et puis vraiment de me faire des images et du rêve dans la tête probablement jusqu'au moment de ma mort, parce qu'en 6 mois on a le temps d'imaginer quand même beaucoup de choses et d'emmagasiner beaucoup de choses. Mais ça, c'est pas le plus important quelque part, c'est pas une petite aventure à moi. Ce qui est important, c'est que c'est aussi l'aventure humaine, que cette mission de 6 mois, elle ne sert pas pour moi à me faire plaisir, elle ne sert pas aux astronautes à former un club exclusif où on se met un tas dans le dos, on s'accroche des médailles. Elle sert à avoir des résultats scientifiques, elle sert à mettre la recherche au service de l'homme, et puis elle sert à pousser un peu ce chemin de l'exploration dans le milieu spatial, mais qui n'est jamais que la continuation de ce qu'on a fait sur Terre, une grande aventure humaine. Donc c'est aussi le symbole de l'aventure humaine, et c'est quelque chose qu'on fait pour et au nom de tous les citoyens sur la Terre. Alors on a de la chance de vous avoir en ce moment, mais je crois que c'est quasiment les derniers jours, parce qu'après jusqu'en novembre, c'est quoi? C'est temps complet, 100%, 24h sur 24 à l'entraînement? Après, oui, ça va être assez prenant, on va dire. Là, il me reste 10 mois environ jusqu'à la mission. Beaucoup de voyages entre Houston, Moscou, qui sont les deux principaux centres d'entraînement, mais aussi le Japon, le Canada et un petit peu en Europe, au centre des astronautes à Cologne. Pourquoi faire tous ces voyages? Mais parce que chaque partenaire de la station a amené son expertise, a amené ses modules, mais est aussi responsable de l'entraînement sur ces modules. Donc si je veux m'entraîner sur les modules américains, il faut que j'aille à Houston. Si je veux m'entraîner sur le Soyouz russe, il faut que j'aille à la Cité des Étoiles à Moscou. Ça, ça implique d'avoir déjà fait plusieurs fois le tour de la Terre pour l'entraînement avant de décoller pour le jour J. Et ça implique de parler combien de langues? Ça implique de parler, on va dire, deux, vraiment, dans la vie de tous les jours, c'est anglais et russe. Ensuite, c'est la question de l'agence spatiale, si on parle d'autres langues européennes. Ça aide, et puis demain il faudra sans doute parler un peu chinois. Merci beaucoup Thomas Pesquet, merci aussi à Jean Coine. Les mots de l'info, c'est sur France Info et à retrouver sur franceinfo.fr. France Info. 21h minuit. Céline Arclau. On n'en est pas forcément franche, mais on préfère en rire avec vous. Nos plus beaux lapsus, nos bourdes les plus mémorables de l'année 2015. C'est le bêtisier de France Info et c'est juste après le rappel des titres. À 22h45 sur France Info, 2016 sera l'année de la vaillance et de l'espérance, comme le veut la tradition du 31 décembre. François Hollande a présenté ce soir ses vœux à la nation avec deux priorités affichées, lutter contre le terrorisme et lutter contre le chômage. 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires pourront bénéficier d'une formation. On entendra le chef de l'État dans le prochain journal. François Hollande qui a ensuite visité le PC de sécurité des Champs-Élysées juste avant les célébrations du Nouvel An. 600 policiers et gendarmes sont déployés sur l'avenue. Ce soir, ils sont 100 000 sur tout le territoire. Même s'il n'y a pas de menace précise d'attentat, indique Bernard Cazeneuve. Le bilan est de 16 blessés. Il aurait pu être beaucoup plus lourd. Un gratte-ciel de Dubaï a pris feu ce soir. Gigantesque incendie dont l'origine n'est pas encore déterminée. Dubaï qui n'a pas annulé les festivités. Le feu d'artifice a bien eu lieu. Des feux d'artifice d'ailleurs un peu partout dans le monde. À Sydney, Pékin, Tokyo, Moscou qui sont déjà passés en 2016, à New York, 1 million de personnes sont attendues à Times Square. Pour les 12 coups de minuit, il devrait être 2 millions sur la plage de Rio au Brésil. France Info. Allez, parce que ce sont les joies du direct, parce qu'on a parfois la langue qui fourche ou la mémoire qui flanche. On a commis encore cette année quelques bourdes, quelques lapsus, quelques fous rires sur France Info. Et Gaëlle Joly nous a compilé tout ça. C'est le bêtisier 2015. Et il est 4h22, l'essentiel, avec, Thibault. Jérôme Colombin, bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Fabienne. Jérôme, c'est une série paléolotine, moi je ne vais pas y arriver. Bonjour Céline Arclau. Bonjour Marie. Je vais vous laisser le dire. Paléolithiquement incorrect. Absolument, bah, voilà. Un Français déçu donc, un peu comme une partie de tout le temps. Du camp tricolore. Du camp tricolore à la fin de cette soirée. Vous mettez des pièges. Alors monsieur le maire, j'ai cherché pour vous, pour le moment en public, pas le moindre lapsus. Quand allez-vous enfin vous lâcher? Si c'est pour faire de mauvais lapsus, c'est pas la peine. Mais je vous rassure. Mais il y a que ça qui marche. Ça m'arrivera un jour, Guy Birnbaum. Je vais vous laisser entre vous. Merci beaucoup, Bruno Le Maire. Merci, Guy. On entre dans la dernière heure du 6-9, juste après le journal de Nicolas Teilleur. La colère d'Arnaud Clément. Dans un instant, le rendez-vous BD du dimanche sur France Info. Ce sera après le rappel des titres. Je vais y arriver. 8h30, c'est le gros temps fort ce matin. On parle aussi des disparus de la CIS. Devant le centre principal de secours de la ville, on trouve Mathilde Lemaire en direct pour France Info. Mathilde, qu'en est-il ressorti de cette réunion ce matin? Mon techno, il est mort. Mathilde Omer, en direct d'Ajaccio pour France Info. Mathilde, vous êtes aux côtés des pompiers. Quel est leur état d'esprit ce midi? Eh bien, écoutez, les vives tensions du week-end sont dans toutes les conversations parmi eux. Et le départ vient d'être donné, Xavier Monferrand. Xavier Monferrand. Oui, j'arrive. Quelle espérance de vie on a sous une coulée de neige, si tant est qu'on n'ait pas été tué par la coulée elle-même. Justement, dans les Pyrénées-Atlantiques, on retrouve le maire des Aubonnes-Gourettes, la station de Gourettes. Bonjour Stéphane Courtier. Oui, bonjour. Quelle est la situation chez vous? On entend les moutons derrière vous. Avec l'habitude express, le binge drinking, les ados jouent simplement à se faire peur. Comme on vit en idiocratie, on peut être célèbre en faisant sortir une balle de ping-pong de son anus du moment qu'elle est filmée. Eh ben écoutez, merci beaucoup Wilfried. Je vous laisse, je continue, j'avais une petite urgence à régler. Merci bien. Comme on dit, il faut aller changer l'eau des patates. Merci beaucoup Wilfried. Amusez-vous bien et passez très bonnes vacances. Voilà Mathilde. J'ai plus de sens du La phrase du soir. Ah, c'est la phrase de toute cette édition spéciale, je pense. Si vous le souhaitez, je vous en fais un jingle. Un partout entre Reims et le Paris Saint-Germain. Ça y est, Alexandre Dabran. Et non, c'est Nicolas Fillon. Oh, c'est Nicolas Fillon, pardon. C'est pas grave. Un but partout entre Reims et le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, François Fillon. Vous savez ce que j'ai envie de faire là? Alors, je touche vos feuilles, c'est une chose, mais sur moi, c'en est une autre. J'apprécie pas vraiment, Fabienne. Bon, je crois que les vacances vont être bienvenues pour vous. Hein. Il était temps. Allez. France Info, Claude Ménon. Nicolas Karabatic et ses coéquipiers sont en finale du mondial. Ce sera contre l'équipe surprise du tournoi. Le canard. Le canard. C'est une grande surprise, oui. Le canard. Jean-Yves Le Drian est donc officiellement à la tête de la Bretagne. Christian Estrosi, président de PACA. Les décrèches de l'Île-de-France. Johan Holstein, vous êtes sur nous, sur place, en direct pour France Info. Où en est-on ce soir? Est-ce qu'on a un bilan plus précis? C'est quel journal de... Rosalie Lafarge. Rosalie Lafarge, j'ai complètement zappé votre nom, désolé vraiment. C'est un Merry Christmas, donc chanté par des chefs, c'est une idée d'une ONG suédoise. Écoutez bien. Aux auditeurs de France Info de nous avoir suivis en 2015. Nous serons là pour vous accompagner en 2016 sur un bon vieux transistor à pile ou sur votre smartphone. Bonne année à tous. Et merci à Gaëlle Jolie pour ce bêtisier. Merci de votre indulgence. On essaiera d'être un petit peu plus sérieux en 2016, c'est promis. Le live France Info. Le réflexe. Écoutez, lire, regardez. Le live, réactivité, c'est tout France Info sur un écran. La radio, les alertes, à écouter et à regarder. Avec l'application mobile. Sur franceinfo.fr. Le live France Info. Réflexe Info. France Info. France Info. 21h minuit. Céline Arclos. 22h52 sur France Info, on part à Wall Street juste après le rappel des titres. Sydney avait été la première à basculer en 2016, d'autres capitales depuis ont célébré le passage à la nouvelle année, Pékin, Tokyo, Moscou avec un grand feu d'artifice. À Paris, les habitants se massent peu à peu sur les Champs-Élysées. Voilà, on va rejoindre notre reporter sur place dans une quinzaine de minutes. Une avenue sous haute surveillance puisque 1600 policiers et gendarmes sont déployés. Au total, ils sont 100 000 sur l'ensemble du territoire. Un chiffre en hausse, même s'il n'y a pas de menace précise d'attentat, affirme Bernard Cazeneuve. Lutter contre le terrorisme, ça fait partie des priorités pour 2016, selon François Hollande qui présentait ses vœux à la nation. Lutter contre le terrorisme, mais aussi contre le chômage. Le président parle d'un état d'urgence économique et sociale. Il annonce notamment un plan massif de formation pour les demandeurs d'emploi, ainsi que la généralisation du service civique. Des flammes immenses et plusieurs étages en feu. Un incendie très impressionnant s'est déclaré ce soir dans une tour dans le centre de Dubaï. Un premier bombardement fait état de 16 blessés. Précision notre correspondante sur place dans le prochain journal. Et puis les Français ont été un petit peu moins nombreux dans les cinémas cette année. 206 millions de billets ont été vendus en 2015. C'est un chiffre en baisse de 1,4%. Avec en tête du box-office, eh bien, trois films américains. Le dernier Star Wars, Le Réveil de la Force, Les Mignons et Jurassic World. France Info. Allez, on se met maintenant le point sur la journée à Wall Street avec Pierre-Yves Dugas, moins 1% pour le Dow Jones, moins 1,2% pour le Nasdaq, et l'action d'Apple qui termine mal l'année. Apple, effectivement, perd encore près de 2%, ce qui ajoute à sa correction de ces dernières semaines, et ce, sur l'impression de certains que ses ventes d'iPhone, durant les fêtes de Noël, ont été moins fulgurantes que prévues. Depuis avril, le cours d'Apple a perdu un cinquième de sa valeur. Par ailleurs, la première surprise aujourd'hui est le rebond de plus d'1% du baril de pétrole brut coté aux États-Unis. Il termine 2015 à un peu plus de $37, une chute de 31% cette année. Seconde surprise, cette hausse du pétrole n'a pas dopé les cours des actions, même pas celles des sociétés pétrolières. Troisième surprise, la légère hausse des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage, on anticipait au contraire un nouveau repli. Pour autant, on reste à un niveau extrêmement bas. Est-ce qu'on peut dire que 2015 a été une année difficile pour les investisseurs ? Pour les investisseurs dont la devise est d'abord le dollar, il a été très difficile de dégager des rendements positifs. En revanche, pour les investisseurs dont la devise est autre que le dollar, eh bien, il a été plus facile de gagner de l'argent à condition d'avoir acheté des titres américains, puisque le billet vert s'est apprécié de 9% par rapport à un panier de grandes devises cette année. Il est rare que toutes les grandes catégories d'actifs connaissent des performances aussi médiocres que celles observées cette année. En 2015, les indices d'actions ont reculé, à l'exception du grand indice du Nasdaq. Les obligations du Trésor américain à 30 ans ont perdu 2%, et les matières premières en moyenne plongent de 23%. L'euro ce soir perd 0,6% et finit à 1,0865. Le Dow Jones termine l'année sur une baisse d'1%, l'indice du Nasdaq chute d'1,2%, et sur l'ensemble de l'année, donc, le Dow Jones recule de 2,2%, le Nasdaq gagnant 5,7%. Les cotations à Wall Street reprendront lundi 4 janvier. Merci Pierre-Yves Dugas sur France Info. Avec Pascal Delannoy, on s'arrête tous les jours sur les grands événements qui ont marqué 2015. Et ce soir, un accord qui suscite beaucoup d'espoir. L'accord signé à Paris lors de la COP21. Un accord et surtout un espoir à concrétiser ce 13 décembre dernier pour sauver cette planète que nous partageons. Avec nous, notre jardinier, Claude Buron, qui suit jour après jour le changement des saisons. On va voir ce qu'il en pense cette année, un peu spécial. Finalement, vous dites, bon, ils ouvrent les portes. Oui, ils ouvrent les portes, ils ouvrent les fenêtres. Ils ont surtout beaucoup communiqué, ce qui a fait prendre conscience à beaucoup de citoyens qui jusqu'ici n'étaient peut-être pas tellement motivés par le réchauffement climatique, mais ils le vivent. Là, ils le vivent. Une perturbation, un dérèglement climatique. Vous, vous êtes perturbé par ce dérèglement vous-même, vous dites... La nature étant perturbée en France, nous, les jardiniers, on est obligés de suivre la nature, on s'aperçoit que ça ne marche pas comme avant, et qu'on va essayer de trouver des méthodes de travail qui vont s'adapter à ce réchauffement climatique. Bon, des poiriers qui refleurissent, des cerisiers qui refleurissent à Noël, c'est quand même pas normal, hein, et ça épuise les plantes, elles ne peuvent pas se reposer. Et puis en plus de ça, il y a tous les insectes et les maladies qui d'habitude étaient détruites par l'hiver, et par les gelées, et qui ne le sont pas. Comment se portent le gui et le houx ? On voit ces jours-ci. Ah, le gui et le houx, c'est des plantes emblématiques. Hein. Elles ont une signification d'ailleurs. C'est pour ça qu'on les utilise en fin de saison, parce que ce sont des plantes qui restent vertes l'hiver alors que les arbres ont perdu leurs feuilles. Donc il est vrai qu'elles ont toujours été un symbole de renouveau, de renaissance, etc. Pour que l'année, eh ben le houx, on récolte certaines branches quand il y a des boules rouges dessus, parce que les houx femelles ont des boules rouges, les houx mâles n'en ont pas. Et puis on les met sur la table, etc. On peut même faire de la goutte, hein, de la liqueur avec la baie de houx. Les Alsaciens sont très forts pour la baie de houx. Et puis quant au gui, eh ben on l'utilise bien sûr pour le pendre au plafond et faire des bisous en dessous du gui, mais on s'en débarrasse aussi parce que c'est une plante parasite. Claude Bureau, le jardin que vous aimeriez visiter en 2016, que vous ne connaissez pas encore. Ben j'aimerais bien, enfin c'est pas un jardin, c'est un arboretum. J'aimerais bien aller en Floride au Cypress Garden. Voilà. Parce que j'ai des copains qui ont emmené des photos extraordinaires. Il y a des broméliacées, c'est-à-dire c'est des plantes de la famille des ananas qui font des grandes fleurs, qui poussent dans les cyprès. Ce sont des plantes dont on a du mal à cultiver. Là-bas, ça pousse comme du chien dent. J'aimerais bien y aller au Cypress Garden. Ben, pourquoi pas. Bonne année en Floride ou ailleurs, Claude Durand. Bonne année. Il faut que tu restes. santé. Bonjour, c'est Alain Baraton. 2015 a été une année difficile. Difficile pour la terre, pour la nature. Il faut toutefois garder espoir, il faut planter des arbres. Alors, grâce au micro de France Info, bonne année à toutes et à tous et bonne année aux arbres. Le live France Info. Le réflexe. Écoutez. Lire. Regardez. Le live. Réactivité. C'est tout France Info sur un écran. La radio. Les alertes. À écouter et à regarder. Avec l'application mobile. Et sur franceinfo.fr. Le live France Info. Le réflexe info. France Info. Dans la prochaine demi-heure, on partira sur les Champs-Élysées, prendre le pouls à un peu plus d'une heure du passage à 2016. Il y a beaucoup de Français, mais surtout beaucoup de touristes étrangers sur l'avenue parisienne. C'est ce que nous dira notre journaliste sur place. Et puis on reviendra sur les vœux de François Hollande. Lutter contre le terrorisme et lutter contre le chômage, c'est ce qu'a dit le président lors de ses traditionnels vœux du 31 décembre. Analyse et réaction à suivre. Restez avec nous sur France Info. Il est tout juste 23h. Et c'est l'heure d'un nouveau journal présenté par Nicolas Olivier. Bonsoir. Bonsoir. La dernière heure de 2015 en France, le pays attend les 12 coups de minuit avec sans doute moins d'allégresse que d'habitude. Sécurité à son maximum pour cette Saint-Sylvestre face à la menace terroriste. Il en a bien sûr été largement question lors des vœux présidentiels de François Hollande ce soir. Le chef de l'État a aussi insisté sur la bataille contre le chômage avec des mesures à la clé. Un feu d'artifice surréaliste à Dubaï, juste à côté d'un gratte-ciel en flammes. C'est l'une des images de cette soirée. L'incendie d'un hôtel de luxe a fait 16 blessés. Et puis le réveillon, souvent indissociable de l'excès d'alcool. Pour éviter des drames sur la route, des parents ont trouvé une solution. Reportage à Toulouse. L'année 2016 va débuter sous les nuages pour une grande partie des Français, avec même une nouvelle perturbation pluvieuse sur la Bretagne et sur la Normandie. Les températures sont toujours douces. Il va faire autour de 7-8 degrés dans le nord de la France, jusqu'à 15 degrés dans le sud. Prévision complète à la fin de ce journal. Nicolas Olivier. Mon premier devoir, c'est de vous protéger. François Hollande s'est posé en protecteur de la nation lors de ses vœux télévisés aux Français en début de soirée. Face à une menace terroriste qui reste au plus haut niveau, le chef de l'État a redit sa volonté d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité, même s'il conçoit que le débat sur ce sujet est légitime. Il appelle le Parlement à prendre ses responsabilités pour voter cette révision. Le président Hollande a aussi rendu hommage aux victimes de tous les attentats de cette année 2015 terrible. Dans une seconde partie de son allocution, il a fait de la lutte contre le chômage sa principale priorité. François Hollande. S'il y a un état d'urgence sécuritaire, il y a aussi un état d'urgence économique et sociale. La lutte contre le chômage reste ma première priorité. Ce sera l'objet des textes préparés par le gouvernement pour simplifier le code du travail, instaurer une nouvelle sécurité sociale professionnelle et saisir les opportunités économiques offertes par la révolution numérique. Parallèlement, un plan massif de formation des demandeurs d'emploi sera lancé. 500 000 personnes de plus seront accompagnées vers les métiers de demain. Mais chacun sait que c'est dans les PME que des emplois se créent. Aussi, de nouvelles aides à l'embauche seront introduites dès le début de la nouvelle année. Le chef de l'État, François Hollande. La réaction politique, parmi les réactions politiques ce soir, celle de la gauche de la gauche, pas convaincue, Éric Coquerel, le secrétaire national du Front de Gauche. Pour lui, rien ne change. Avec François Hollande, c'est toujours un petit peu la même chose, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on a des termes, par exemple l'état d'urgence économique et sociale. On peut être que d'accord, nous, ça fait des années qu'on dit qu'il faut un état d'urgence économique et sociale, mais les recettes sont les mêmes. De la même manière, on a des annonces, des promesses. On peut être aussi d'accord avec un grand plan de transition écologique, sauf qu'il n'y a pas un mot sur les budgets d'austérité et qu'on ne voit pas très bien comment il va financer tout ça. Donc il y a d'un côté les mots, une figure très protectrice sur laquelle il continue à s'appuyer, puis d'un autre côté les actes et les propositions. Et là, c'est même, malheureusement la même politique qui est proposée, celle qui échoue maintenant depuis 3 ans. Paris fait profil bas pour cette Saint-Sylvestre. Pas de feu d'artifice, un simple jeu de lumière sur l'Arc de Triomphe. Dans quelques minutes, l'avenue des Champs-Élysées est en train de fermer à la circulation pour seulement 2 heures. On y retournera juste après ce journal. Animation minimale, mais sécurité maximale avec plus de 11 000 agents des différents services de l'État mobilisés dans la capitale et sa proche banlieue. Policiers, gendarmes, pompiers, etc. Sans compter les militaires de l'opération Sentinelle. Ils sont 10 000 à patrouiller dans tout le pays. Il n'y a jamais eu autant de personnel mobilisé pour la sécurité des Français, a dit ce soir Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Le Caire célèbre à son tour la nouvelle année en ce moment. Moscou également depuis une heure, sans effusion de joie, alors que la place rouge est fermée au public pour la première fois par crainte d'un attentat. À Bruxelles, le cœur n'est pas vraiment à la fête non plus. Toutes les festivités ont été annulées. C'est sans doute en Belgique que la menace est la plus forte, alors que des projets d'attaque terroriste ont été déjoués ces derniers jours, selon le parquet fédéral. Une des principales tours de Dubaï est ravagée par un incendie. Ce soir, un hôtel de luxe du centre-ville a pris feu en plein réveillon. Le bilan est de 16 blessés, dont 14 sans gravité, selon les autorités. Sur place pour France Info, Eva Levesque. C'est un événement qui va changer la face de la ville de Dubaï et qui pourrait mettre en péril son attractivité pendant un moment. C'est à 300 mètres de la tour la plus grande du monde, Burj Khalifa, que le Saint-Roch s'érige en ce moment. Le cinquième plus haut hôtel de Dubaï, The Address Hotel, d'une hauteur de 300 mètres, connu pour son emplacement face à la Burj Khalifa, est situé à proximité de Dubaï Mall, qui est le plus grand centre commercial de Dubaï et l'un des plus grands au monde. Pour l'instant, les origines de l'incendie ne sont pas encore confirmées, mais selon les autorités de Dubaï, il aurait commencé sur le 20e étage et il serait d'origine extérieure. Selon les informations, la zone a été évacuée en commençant par l'hôtel, puis le centre commercial et les alentours. Le feu semble difficilement maîtrisable pour l'instant, bien que les autorités ont déclaré maintenir les festivités. Et le feu d'artifice organisé par Dubaï était encore une fois spectaculaire. Et c'est certainement un coup dur pour cette ville qui a fondé son économie sur le tourisme et qui se prépare à accueillir l'Expo universelle de 2020. À Abu Dhabi, Eva Levesque pour France Info. Un réveillon un peu spécial a commencé ce soir dans la campagne de la Nièvre. Un immense technival prévu jusqu'à dimanche en dépit de l'interdiction de la préfecture. Les organisateurs attendent 10 000 personnes au son de la techno sur un terrain privé, ancien site du CNRS. Ursula Gauthier est dans l'avion pour Paris. La journaliste française, correspondante de l'Obs en Chine, a quitté Pékin ce soir. Son visa n'a pas été renouvelé par les autorités qui voulaient qu'elle présente des excuses officielles après un article critique envers le pouvoir. Accusé de passivité par plusieurs médias français, le Quai d'Orsay assure avoir multiplié les démarches auprès de Pékin. Un chiffre macabre, 3770 migrants et réfugiés sont morts en Méditerranée en 2015, 500 de plus qu'en 2014 selon l'Organisation internationale pour les migrations. La nuit du Nouvel An et ses excès, l'alcool bien sûr, qui coule souvent à flot, et cette éternelle question ô combien importante qui va conduire. À Toulouse, pour éviter les drames de la route, des parents ont décidé de jouer les taxis pour accompagner leurs enfants et ceux des autres. Écoutez ce reportage de Frédéric Bourgade. Quand on est un jeune adolescent, le réveillon du jour de l'an, c'est sans les parents. Chez des copains, boîte de nuit, bien ailleurs. Avec une inquiétude majeure. Comment rentrer une fois la fête terminée, surtout si celui qui conduit a un peu bu? La question, Anne Trollier se l'est posée. Sa réponse, c'est une association. Teenagers Cars, née de son expérience de parent. L'idée est venue des jeunes, donc de ma fille et des amis de ma fille, en boîte de nuit, qui avaient de plus en plus de difficultés à rentrer pour attendre un bus, un métro, un train. Soit de rentrer à pied. Il y aurait bien sûr la solution du taxi, mais c'est trop cher pour des ados et sûrement pas dans leurs habitudes. L'association Teenagers Car loue donc des autos et ce soir, quatre parents chauffeurs vont jouer bénévolement les taxis occasionnels. Ça va être essentiellement des parents qui vont faire 2-3 allers-retours pour amener des jeunes à leur domicile entre, on va dire, 2h et 5h du matin. Les jeunes ont rendez-vous à 2h, c'est pas 2h30. Hein. Ah non, les rendez-vous sont fixés, c'est 2h à un point précis, de manière à ne pas courir après les jeunes. C'est rassurant pour eux de savoir que leurs jeunes seront accompagnés par des parents qui vont connaître. L'association compte se développer en lien avec les communes pour recruter des parents et organiser un vrai maillage répondant aux besoins des uns et aux bénévolats des autres. Toulouse, Frédéric Bourgade, France Info. Alcool à consommer, bien sûr, avec modération, comme ici ce soir à France Info, Céline Aslo. Merci Nicolas, Olivier, il est 23h08 sur France Info. France Info. 21h30. Céline Aslo. Dans un instant, on part sur les Champs-Elysées où les habitants et surtout les touristes se massent peu à peu, ambiance sur place avec notre journaliste. Ce sera juste après la météo. France. Grâce à son météo, avec Maison France Confort, constructeur national de maisons et entreprise familiale depuis 5 générations. Rendez-vous dans nos agences ou sur maisonfranceconfort.fr. Et au programme de ce 1er janvier 2016, beaucoup de nuages et même de la pluie sur la Bretagne et sur la Normandie. Journée maussade donc pour ce premier jour de l'année. Maussade mais toujours douce. Les températures ne baissent pas beaucoup. Il fera demain 7 degrés à Lille et à Grenoble. 9 degrés, ça ce sera pour Paris et pour Cherbourg. Il va faire 11 degrés à Limoges, 13 à Bordeaux, 14 à Marseille et un maximum de 15 degrés. Ce sera pour Perpignan et pour la Corse. Les prévisions maintenant en Outre-mer, c'est avec Jean-Michel Golinski à Météo France. Voyons sous quel type de temps nos départements d'Outre-mer vont passer ce 1er janvier. La Guadeloupe et ses dépendances vont profiter d'un temps souvent bien bleu. C'est tout juste si l'on remarquera une ondée passagère et l'alizé sera nettement moins fort que ces derniers jours. Sur la Martinique, il y aura également du soleil, mais passé l'heure du déjeuner, les averses, sans jamais prendre totalement l'avantage, deviendront quand même un peu plus fréquentes. Notez qu'après une accalmie, l'alizé se renforcer en soirée, avec un averse qui restera très agité sur l'ensemble de l'arc antillais. La Guyane va repasser dans un régime de temps de plus en plus sec jusqu'à la fin du week-end, mais avec toujours pas mal de vent et une mer qui va rester démontée. Enfin, dans l'océan Indien, cette journée du 1er janvier sera bien arrosée, tant sur Mayotte que sur la Réunion, avec des pluies souvent marquées et même parfois orageuses. Jean-Michel Golinski à Météo France. France Info. Ça y est, c'est fait pour Sydney, pour Pékin, pour Moscou, pour Tokyo. Dans 50 minutes maintenant, ce sera au tour de la France de passer en 2016. Et le cœur des célébrations, comme tous les ans, eh bien, ce sont les Champs-Élysées. Où vous vous trouvez, Maxime Fayolle, bonsoir. Bonsoir. Alors, comment ça se passe? On imagine que vous n'êtes pas tout seul ce soir sur les Champs-Élysées. Eh ben si, non. Non. Pas tout à fait quand même. Non, je suis pas tout seul, ça y est là, ça devient beaucoup plus difficile de circuler. Allez, à 45 minutes, du coup, on sera projeté sur l'Arc de Triomphe et sur 4 écrans géants près de l'avenue des Champs-Élysées. Alors on sera quand même loin cette année des 600 000 personnes de l'an dernier sur les Champs, la faute forcément aux attentats de novembre dernier. Mais il y a quand même beaucoup de touristes, des Italiens, des Américains, des Espagnols. Il y a aussi quelques Français comme Karine, par exemple, qui elle a tenu à avoir une petite pensée. On a surtout pensé à tous ces gens qui étaient morts il n'y a pas très longtemps. On a une pensée pour eux ce soir et puis on se dit qu'il faut continuer à vivre absolument, continuer à sortir et puis faut absolument que la vie continue. Voilà. On fait attention, on évite les attroupements, on fait attention à nous et puis on sait que s'il y a un mouvement de foule, on évacuera rapidement, ça c'est sûr. En tout cas, c'est un 31 minimaliste, sobre. Il n'y aura pas de feu d'artifice ce soir, justement, par respect à ces victimes du 13 novembre. Et 31 minimaliste et 31 sous haute surveillance également, Maxime. Et oui, il y aura 11 000 policiers gendarmes qui sont déployés sur la capitale. Aujourd'hui, ils sont 1700 sur les champs en ce moment même. Une présence qui marque les passants. Il faut dire qu'il suffit de faire 20-30 mètres pour les joueurs, pour avoir une patrouille de policiers ou de gendarmes. Marc, par exemple, il est venu de Dijon avec sa femme. C'est leur première fois qu'ils viennent sur les Champs-Élysées. Ben là, c'est sûr que là, le nombre, c'est assez impressionnant le nombre de policiers. Les armures, on va dire, c'est vrai que c'est vraiment impressionnant. C'est bon, puis en plus, là, un peu plus loin, tous les petits chalets qui sont fermés, c'est vrai que ça enlève beaucoup de charme aux Champs-Élysées, mais bon, tant pis quoi. Les policiers qui sont très aux aguets, on est dans un endroit ouvert, il est impossible de contrôler tout le monde, d'ouvrir tous les sacs, mais les policiers font de leur mieux, on les a vus tout à l'heure, dans les rues perpendiculaires aux champs, ouvrir des sacs, éviter de faire rentrer des bouteilles. Ce sont des contrôles qui ont beaucoup marqué Karine. Et alors, on est allé sur la Tour Eiffel, on n'en avait pas vu du tout, on était étonnés de savoir de policiers là-bas. Et puis en arrivant ici, on s'est dit, tout le monde est là. Donc, c'est notre première, on découvre. Oui, ça nous rassure. Et puis on a été fouillés, donc c'est sécurisant. Une présence rassurante donc pour rentrer dans 2016 du bon pied. Je voyais tout à l'heure de nombreux passants qui me disaient qu'ils voulaient absolument en finir avec cette année 2015. Oui, 2015 qui a été synonyme de mauvais souvenirs, il faut bien le dire, pour les Parisiens. Eh oui, ça a commencé dès janvier avec les attentats de Charlie Hebdo et ça s'est fini jusqu'à la fin d'année avec ces attentats de novembre. Karine, justement, elle habite juste à côté de Dammartin-en-Goële, c'est là où les frères Kouachi ont été tués. Moi, je suis très contente qu'elle se termine et puis elle a très mal commencé. Nous, on habite Crépy-en-Valois, pas très loin de, événements avec les frères Poissy, puisque Dammartin est pas très loin de chez nous, et bon, nous on a été quand même assez touchés par les événements. Et elle se termine aussi difficilement, donc voilà, moi je suis très contente qu'elle s'achève, la sœur 2016 plus sereine. Il y a quand même eu des bons moments, il y a notre fille qui a eu son bac, ouais. Notre fils qui a eu son brevet, donc les deux brillamment, donc il y a quand même eu des bonnes choses. Et oui, on pourra toujours trouver quelques motifs de satisfaction pour cette année 2015. Quoi qu'il en soit, il en reste encore, allez, 40-45 minutes à souffrir dans cette année 2015 avant de passer à 2016, où ils sont très nombreux ici sur les champs à souhaiter qu'elle soit bien meilleure. Merci beaucoup, Maxime Sorel. Vous étiez avec Benjamin Chauvin pour les moyens techniques et on va vous retrouver tout au long de la soirée, et notamment à minuit, parce que c'est avec vous sur les Champs-Élysées qu'on va faire le décompte, qu'on va passer en 2016. On se retrouve, allez, dans trois quarts d'heure. France Info. 21h minuit. Séminaire clos. Que faut-il retenir des vœux de François Hollande? Analyse et réactions, c'est juste après un rappel des titres. Les grands titres de l'actualité à 23h15, c'est avec vous Nicolas Olivier. Les vœux télévisés de François Hollande, deux priorités dessinées par le chef de l'État pour 2016, la lutte contre le terrorisme bien sûr, et celle contre le chômage. Il annonce un plan massif de formation pour 500 000 demandeurs d'emploi et des aides à l'embauche pour les petites et moyennes entreprises. Le chef de l'État qui s'est rendu tout à l'heure sur les Champs-Élysées pour faire lever les troupes mobilisées pour assurer la sécurité des Français. Un dispositif exceptionnel pour cette soirée de la Saint-Sylvestre. 110 000 hommes dans tout le pays, en comptant les militaires. Le monde bascule progressivement en 2016. Le Caire vient de commencer à célébrer la nouvelle année. À Moscou, c'est également le cas depuis une heure, et la place rouge est fermée par les autorités. C'est une première. En Belgique, toutes les festivités sont annulées. Des projets d'attentats ont été déjoués ces derniers jours à Bruxelles. Spectaculaire incendie à Dubaï ce soir. Un hôtel de luxe de 300 mètres de haut a été dévoré par les flammes dans le centre de la principale ville de Zemira. Il en fait blessés. 3770 migrants et réfugiés sont morts en 2015 avant de traverser la Méditerranée. Chiffre de l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis Ursula Gauthier est dans la pour Paris. Cette journaliste française a été expulsée de Chine pour avoir déplu aux autorités. Elle était la correspondante à Pékin de l'Obs, l'hebdomadaire, depuis 6 ans. La France est dans un état d'urgence économique et sociale. La phrase est signée François Hollande, qui présentait ce soir ses vœux aux Français. Le président qui annonce une série de mesures pour lutter contre le chômage, notamment un plan massif de formation pour les demandeurs d'emploi. Lutter contre le chômage donc, mais aussi bien sûr lutter contre le terrorisme. Ça fait partie des priorités de 2016. François Hollande est notamment revenu sur le projet de réforme de la Constitution et sur le débat qu'il provoque dans le pays. J'ai en conscience un choix, à la mesure de ce que nous avions éprouvé. C'est d'avoir décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police, de la justice, du renseignement et des armées. J'ai engagé ensuite une réforme de la procédure pénale pour lutter plus efficacement contre le crime organisé, son financement et les trafics qui l'alimentent. Enfin, j'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et pour des choix de la nationalité française, des individus condamnés définitivement pour crimes terroristes. Il revient désormais au Parlement de prendre ses responsabilités. Le débat est légitime. Je le respecte. Il doit avoir lieu. Et quand il s'agit de votre protection, la France ne doit pas se désunir. Elle doit prendre les bonnes décisions, au-delà des clivages partisans et en conformité avec nos principes essentiels. J'y veillerai, car j'en suis le garant. Aussi, je n'accepterai jamais que l'on puisse poser les Français entre eux. Nous diviser, c'est ce que cherchent ces extrémistes. Je n'accepterai pas davantage que l'on puisse s'en prendre de notre République laïque à l'un de nos concitoyens pour la pratique de sa religion. Ou encore que des lieux de culte puissent être profanés comme salle de prière ces derniers jours en Corse. Ces gestes-là ne resteront jamais impunis. Qu'ils concernent une mosquée, une synagogue, un temple ou une église, il y va de l'honneur de la France. Extrait donc du discours de François Hollande, discours qui n'a pas convaincu l'opposition, ni sur la sécurité, ni sur la politique économique. Écoutez la réaction de Sébastien Huyghe, porte-parole des Républicains. François Hollande a été absent depuis le premier tour des élections régionales. Il s'est pourtant passé beaucoup de choses. Le Front National a fait des scores très importants et il est resté cloîtré à l'Élysée. Puis là, on a l'impression qu'il descend de son Aventin pour parler au peuple français, pour lui dire « je vais vous protéger ». Mais pourquoi, dans ces cas-là, n'a-t-il rien fait entre janvier et novembre 2015 tant, nous avions fait des propositions à sa demande pour renforcer la sécurité des Français. Rien n'a été fait. Le président ne va pas assez loin, c'est ce que vous dites. Je dis qu'il le fait trop tard, en tout cas, et qu'il aurait pu agir dès les attentats de Charlie Hebdo et ne pas attendre les attentats du mois de novembre. Puis en matière d'emploi, le sentiment qu'il donne, c'est que c'est panique à bord, puisque c'est la dernière année complète de son quinquennat. Et là, ce sont des promesses tous azimuts. D'abord, en matière de formation et d'apprentissage. Alors là, on est très étonné. Il a passé les quatre premières années de son quinquennat à détruire tout ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en cette matière. L'apprentissage a dégringolé et malheureusement, il a mené une politique inverse de ce qu'il promet de faire pour cette année 2016. Et puis, on a les promesses habituelles, celui des aides à l'emploi, un chèque pour chaque emploi. À chaque fois qu'une entreprise va embaucher, elle recevra un chèque. On se demande comment il va faire pour... C'est le financement qui vous inquiète, Sébastien Wigg. La question, c'est l'application, effectivement. Et dans la situation financière dans laquelle François Hollande a mis la France, eh bien comment il va faire pour payer. Et on s'aperçoit que finalement c'est un président aux abois qui voit arriver la fin de son quinquennat et la difficulté qu'il aura à se faire réélire, qui fait des promesses tous azimuts. En plus, un président qui voit aussi sa majorité se disloquer. Et Sébastien Wigg, porte-parole des Républicains, qui était un petit peu plus tôt sur France Info. France Info. 21h minuit. Céline Asselot. Une de ces vidéos a été vue 15 millions de fois cette année sur YouTube. Norman, la star du web, est l'invité de Philippe Vandel. Tout et son contraire, c'est dans un instant. Génération Jedi, Mathieu Mondoloni, Baptiste Schweitzer. Toujours par deux, ils vont. Bon. Star Wars 7, le réveil de la force, envahit les salles. Alors, pendant les fêtes, France Info vous propose de découvrir l'influence de la saga sur notre société. Ah oui, c'est très bien. Conquête spatiale, religion, science, cinéma. En 40 ans, Star Wars a changé notre monde. Oh là là, mais il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vois plus rien. Découvrez comment, dans Génération Jedi, tous les jours à 9h55, 16h55 et 19h25. Ils le suivent à la trace. Je suis trop rapide pour eux, fillette. Et sur Jedi. France Info. Allons, circulez. Que la force soit avec vous. France Info. 23h22 sur France Info, les grands titres de l'actualité. Ciné avait été la première à basculer en 2016. D'autres capitales depuis ont célébré le passage à la nouvelle année. Pékin, Tokyo, Moscou avec de grands feux d'artifice. Pas de feux d'artifice à Paris, mais une avenue qui commence à être noire de monde. Ce sont évidemment les Champs-Élysées qui sont ce soir sous haute surveillance. 1600 policiers et gendarmes y sont déployés. Au total, ils sont 100 000 sur l'ensemble du territoire. Un chiffre en hausse. Même s'il n'y a pas de menace précise d'attentat, affirme Bernard Cazeneuve. Lutter contre le terrorisme, ça fait partie des priorités pour 2016, selon François Hollande, qui présentait ses vœux à la nation ce soir. Lutter contre le terrorisme, mais aussi lutter contre le chômage. Le président parle d'un état d'urgence économique et sociale et annonce notamment un plan massif de formation pour les demandeurs d'emploi, ainsi que la généralisation du service civique. Des flammes immenses et plusieurs étages en feu, un incendie très impressionnant. C'est déclaré ce soir dans une tour du centre de Dubaï. Un premier bilan fait état de 16 blessés. Le gratte-ciel a pu être rapidement évacué. Un chiffre dans l'actualité également. Plus de 3770 migrants sont morts cette année dans la Méditerranée en essayant de gagner l'Europe. Chiffre donné ce soir par l'Organisation internationale pour les migrations. Et puis les Français un peu moins nombreux dans les cinémas cette année. 206 millions de billets ont été vendus en 2015. C'est un chiffre en baisse de 1,4%, avec en tête du box-office trois films américains, le dernier Star Wars, Le Réveil de la Force, Les Mignons et Jurassic World. France Info. tout et son contraire, Philippe Vandel. Norman avec nous, qu'on connaît pour sa chaîne. Norman fait des vidéos et plein d'autres choses. Vous avez fait une école de cinéma ? J'ai fait la fac de cinéma. Vous êtes monteur, vous saviez monter ? Oui. Donc vous tournez, vous montez vous-même ? Toujours ? Toujours. Est-il vrai que vous avez été vendeur de parures de lit ? Vous avez parti de la légende pour faire un sketch. Ah non, c'est vrai. Vous avez fait tous les stages possibles, dans toutes les émissions de télé, comme tous les gars qui font une fac de Alors, cinéma. J'ai une petite anecdote. Allez-y. Il se trouve qu'à l'époque, vous travailliez sur une émission qui s'appelle Pif Paf. Mais j'allais vous en parler. Vous avez été stagiaire à Hit Machine. C'est vrai ou pas? Et je me suis dit, je lui ai demandé si on s'est parfois croisé dans les couloirs. On s'est croisé plusieurs fois. Est-ce que j'étais sympa? Vous étiez sympa, mais vous étiez surtout très occupé, je me rappelle. Et moi, je me disais, oh my god, c'est Philippe Vandel! Donc, je disais rien. J'étais dans mon coin en train de ranger des cassettes dans des boîtes. Et je me disais, waouh, ce métier est plutôt cool. Mais bon, ils m'ont jamais embauché. Et comment ça se passait avec les filles? Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de jolies filles dans le Hit Machine. Exactement. Ben, c'est vrai que comme j'étais stagiaire, j'avais une sorte de charisme de moustique. Donc à partir de ce moment-là, c'est plutôt difficile avec les filles. Je me rappelle que cette époque-là, c'était un peu nul. Et tu vas vous parler le patois ch'ti? Un tout peu. Ça nous parlait ch'ti? Ouais. Qui vous l'a appris? Ah bah ben, c'est moi, je suis né dedans. Mes grands-pères étaient mineurs dans les mines de charbon. Mais vous parlez en français? Bah, disons que quand on était dans les corons chez mes grands-parents, ça parlait ch'ti en permanence. Ah oui? Jamais on m'a appris à parler ch'ti, disons que je l'ai entendu depuis mon berceau, quoi. Est-il vrai que vous votez aux élections, mais c'est parce que votre sœur vous force à voter? Vous avez vraiment des informations exceptionnelles. C'est vrai ou pas? Ah, c'est totalement vrai. Je commence à apprendre un petit peu de maturité et je suis un citoyen qui fait son devoir. Donc maintenant, je vais voter de moi-même. Mais il se trouve que ma sœur, Daphné, à qui je fais un gros bisou, a une vraie conscience politique depuis toujours et elle m'incite systématiquement à voter et surtout qui me force à ne pas m'abstenir. Est-il vrai que votre colocataire est un geek? Et qu'il était furieux de votre sketch sur Apple, parce qu'en fait il s'est reconnu. Ah oui, alors c'est totalement vrai, mais c'était mon ancien coloc qui s'appelle Yves, qui depuis est tellement devenu geek et tellement de qualité qu'il a été embauché par des sociétés de jeux vidéo et il crée des jeux vidéo maintenant dans le monde entier. Waouh, c'est vrai que vous avez demandé au gardien de votre immeuble de retirer votre nom sur la boîte aux lettres? Oui. Alors comment on fait pour vous écrire maintenant? Eh ben, vous envoyez la lettre au Père Noël et puis on trouvera une solution. Non mais en vrai? Bah, je sais pas, dans ce cas-là, il faut venir me voir en spectacle et me donner la lettre de main à main, ça veut rien dire. Bonsoir. Auparavant, est-il vrai que vous aviez tenté votre chance dans la chanson française, tendance Thomas Fersen? Alors, je sais pas si j'ai tenté ma chance, mais en tout cas, j'ai fait beaucoup de musique parce que je suis musicien toujours. On va voir jouer de la guitare électrique dans le spectacle. Ouais, et de la guitare sèche aussi à la fin. Oui, mais c'est moins impressionnant, la guitare sèche, que la guitare électrique. Peut-être un peu moins impressionnant, ouais, mais beaucoup plus poétique. Oui, mais gling, gling, gling, c'est moins bien que... Le débat est ouvert. Tweetez à propos de ce sujet. Et c'est vrai que ouais, j'ai toujours été musicien et j'avais à l'époque un groupe qui s'appelait Monsieur Lingur. Je faisais de la chanson française un petit peu après. Mais tellement inspiré de Thomas Fersen que ça aurait pu s'appeler Thomas Fersen 2. Alors, c'était vraiment la même chose. J'ai jamais eu l'occasion de rencontrer Thomas Fersen et j'aurais... C'est pas là. J'ai rencontré plein de stars depuis l'époque du buzz, mais disons que j'ai jamais Thomas Fersen. J'aimerais bien, un jour. Est-il vrai que vous roulez en mobylette? Oui, en scooter. Ah, mais c'est pas la même chose. Ah, non, en scooter. Non, j'aimerais bien avoir une mobylette, c'est redevenu à la mode. C'est un petit peu hipster, c'est un peu décalé, il m'en faut une. Est-ce que vous lisez ce qui s'écrit sur vous? Pas beaucoup. Est-ce que vous contrôlez? Est-ce que quand vous êtes interviewé par quelqu'un, un journal, vous le relisez après? Je le faisais au début, et quand je me suis rendu compte de l'angoisse que ça procure, puisque les gens disent n'importe quoi, et ben j'ai vraiment arrêté. Et je ne me suis jamais regardé une seule fois à la télévision. Je ne supporte pas. Et quand vous montez, c'est un autre personnage qu'on voit dans la vidéo. Et ben quand je monte, entre guillemets, je donne le best-of de moi. Donc c'est moi qui choisis les moments nuls, je les supprime. À la télévision, on montre tout. Donc il y a évidemment plein de moments nuls. Et je me déteste à la télé, je me suis jamais regardé. Mince, une question. Combien de temps vous avez mis avec votre chat pour tourner la vidéo du chat? Parce que le chat, il fait pas ce qu'on veut, c'est pas un comédien. Ça a été très dur. C'était très dur, ça a été des plusieurs heures de rush. Je me suis dit, comment il fait? Alors, je raconte pour les gens qui l'ont pas vu. Norman est couché dans son lit et le chat vient, arrive, il se pose dessus. Mais il y a une chance sur 10 pour qu'il ait envie à ce moment-là. Tout à fait, c'était vraiment très très dur. Et un chat, ça se manipule pas. Et surtout, au contraire, essayez, un petit test pour les auditeurs. Essayez de mettre en scène votre chat et de lui demander d'être assis. Impossible. Dès qu'on demande à un chat de faire quelque chose, il fuit, il s'allonge, il fait le débile, mais il fera jamais ce que vous voulez qu'il fasse. Donc c'est très capricieux et ça a été très très très dur de faire ce sketch. Merci beaucoup Norman d'être venu nous voir. Merci à vous, merci pour cette interview. Et j'aime bien les interviews qui sont pertinentes et intelligentes et c'était le cas. Voilà, tout flatteur est au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Waouh, je suis bluffé. Waouh, une claque de culture. Merci. Avec GMF, l'assureur qui prend soin de vous. Rappelez-vous que le risque d'avoir un accident est 14 fois plus important lorsqu'on a consommé de l'alcool et du cannabis. GMF, assurément humain. France Info et Le Monde vous invitent au colloque « Vivre face aux risques djihadistes » à la Maison de la Radio à Paris, jeudi 7 janvier à 8h30. Une matinée de débat animée par Olivier Delagarde et Vincent Giray, entourée de nombreuses personnalités. Informations et réservations impératives sur le site maisondelaradio.fr. Entrée 5 euros au profit de l'Association française des victimes du terrorisme. Vivre face aux risques djihadistes, un colloque France Info Le Monde. Écoutez les milliers d'offres près de chez vous sur franceinfo.fr et retrouvez tous les conseils et toute l'actualité du monde du travail. franceinfo.fr, rubrique emploi. Ce sera évidemment l'un des événements de 2016, l'élection présidentielle américaine. Quels enjeux pour le prochain ou la prochaine présidente? Ce sera notre dossier dans la prochaine demi-heure. Et puis on fera un tour du monde des réveillons du monde entier. Et on ira bien sûr sur les Champs-Élysées pour le décompte, pour le passage à la nouvelle année. Et puis on n'en est pas vraiment fier, mais on préfère en rire avec vous. Le bêtisier 2015 de France Info, c'est dans quelques minutes. Restez avec nous au moins jusqu'à minuit. Il est 23h30 sur France Info. France Info, Réflexe Info. Et tout de suite, un nouveau point sur l'actualité. Plus qu'une demi-heure avant 2016, la France s'apprête à célébrer poliment la nouvelle année. Peu d'allégresse, un mois et demi après les attentats du 13 novembre. Le réveillon se déroule d'ailleurs sous un important dispositif de sécurité avec plus de 100 000 hommes déployés dans tout le territoire, plus les 10 000 militaires de l'opération Sentinelle. François Hollande s'est rendu ce soir sur les Champs-Élysées pour visiter le PC sécurité opérationnel sur place. Il a passé en revue une partie des troupes sur le pont ce soir. Chez nos voisins aussi, les festivités sont souvent ternies par la menace terroriste. Les moscovites sont privés de leur emblématique place rouge. Le site a été fermé au public par les autorités. En Belgique, Bruxelles a tout annulé hier, y compris son feu d'artifice. Le pays est en proie à une menace terroriste extrêmement forte puisque des projets d'attentats concrets ont été déjoués ces derniers jours selon le parquet fédéral. Une image surréaliste ce soir à Dubaï, un feu d'artifice au beau milieu d'un gratte-ciel en flammes, un hôtel de luxe de 300 mètres de haut, ravagé par un incendie en début de soirée. Le sinistre n'a fait que 16 blessés selon les autorités. Un discours de 9 minutes sur un ton grave et solennel. Les vœux télévisés de François Hollande dégagent deux priorités, la lutte contre le terrorisme et la lutte contre le chômage. Le chef de l'État a réitéré son souhait d'inscrire dans la Constitution la déchéance de nationalité pour les binationaux nés français et coupables d'atteinte à la nation. Sur le front de l'emploi, le président annonce un vaste plan de formation pour 500 000 chômeurs et des aides à l'embauche pour les PME dès le début d'année. Pour Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, ces vœux sont un bon résumé de l'année écoulée et des enjeux de 2016. La présidente a rappelé les grands objectifs, la gravité de la situation et de ce que nous avons vécu en 2015. C'est en même temps un président qui a projeté la France aussi vers l'avenir, à la fois avec la priorité de la lutte contre le chômage et les mesures qui ont été proposées qui seront mises en œuvre pour continuer à faire baisser le chômage en particulier chez les jeunes. Et puis, c'est aussi ouvrir des perspectives d'avenir avec ce qui s'est passé avec la COP21, de faire de la France le moteur, un pays qui soit exemplaire dans ce domaine et qui est aussi créateur d'emplois. Et enfin, et c'est important, c'est aussi de la patrie qui a été rappelée par le président Rapidus. Cette vision de la patrie, il l'a précisé en disant qu'elle était ouverte. La France est dans le monde. La France est en Europe. Elle doit faire bouger l'Europe. C'est ce qui est fait par rapport à l'impression des migrants. Et en même temps, c'est une France qui reste, comme je l'ai dit, ouverte et qui refuse le repli et la nostalgie. Nicolas Sarkozy a lui aussi adressé ses vœux aux Français ce soir sur Facebook. Le chef de l'opposition écrit qu'il soutiendra les décisions du gouvernement qui permettront d'assurer la protection de tous les Français, y compris la déchéance de nationalité. Mais sur ce sujet, l'ancien chef de l'État appelle le gouvernement à agir plutôt que de vouloir, je cite, mettre en scène un rapprochement artificiel avec l'opposition. Les suites du suicide d'un médecin à l'hôpital Georges Pompidou à Paris, la ministre de la Santé a promis ce soir que toute la transparence sera faite et que rien rien ne doit être caché. Marisol Touraine suivra de près l'enquête administrative lancée au sein de l'APHP. Rappelons que le parquet de Paris a aussi ouvert une enquête préliminaire pour harcèlement moral. Après 6 ans en Chine, la journaliste française a quitté Pékin ce soir. Ursula Gauthier, correspondante du magazine L'Obs, a été expulsée par les autorités chinoises après un article critiquant le pouvoir. Plus précisément, son visa n'a pas été renouvelé après qu'elle a refusé de mêler des excuses publiques. Une rave party géante a débuté à Suilly-la-Tour dans la Nièvre. La préfecture a pourtant interdit ce technival qui doit durer 3 jours et 3 nuits. Près de 10 000 toughers sont attendus tout le week-end sur un terrain privé, ancien site du CNRS. Merci Nicolas Olivier, 23h34 sur France Info. France Info. 21h minuit. Céline Asselot. Pour succéder à Barack Obama et quel défi pour le ou la prochaine locataire de la Maison Blanche, je vais y arriver, l'élection présidentielle américaine sera bien sûr l'un des événements de 2016. C'est notre dossier dans un instant. France Info Météo avec Maison France Confort, constructeur national de maisons et entreprise familiale depuis 5 générations. Rendez-vous dans nos agences ou sur maisonfranceconfort.fr. Et avant cela, on jette un coup d'œil à la météo du 1er janvier avec Jean-Michel Golinski sur Météo France. Avant le retour au calme en fin de nuit prochaine, avec pas mal de brouillard en toute région, des gelées blanches notamment dans l'intérieur de la Bretagne et du centre au nord-est, le début du réveillon sera marqué par de fortes averses de la Bretagne au nord de la Seine et toujours quelques gouttes près des frontières l'est. Le soleil sera souvent absent du paysage français ce 1er janvier. Les brouillards et les nuages bas très denses en début de matinée évolueront très peu l'après-midi entre le nord de la Seine et le quart nord-est. Sur le Languedoc et le Roussillon, le vent marin va maintenir une grisaille tenace qui va s'accompagner sur les Cévennes. Et puis sur la façade atlantique, dès le début de la matinée, le vent va commencer à se lever vers 80 km/h, précédant l'arrivée rapide de la pluie, dans un premier temps sur la Bretagne, puis sur toute la moitié ouest du pays avant la tombée de la nuit, en apportant de la neige sur les Pyrénées. Notez que les autres massifs seront servis au cours du week-end. Les températures de l'après-midi vont afficher 12 degrés sur la Bretagne, 13 à 16 sur les régions méridionales et de 8 à 10 sur le Nord, le bassin parisien, le centre et du nord-est à Rhône-Alpes. Jean-Michel Golinski, Météo France. Les mots de l'info. Ce sera le 8 novembre 2016. Les Américains se choisiront un nouveau président et le monde entier aura les yeux rivés sur la Maison Blanche. Maison Blanche, c'est le mot de l'info ce soir avec Lise Jolie et ses invités. La Maison Blanche, ce sera un des mots de l'année 2016 avec la fin du mandat de Barack Obama et de nouvelles élections américaines. Ce sera en novembre prochain. Obama, c'est le premier président noir des États-Unis. Son accession au pouvoir, il y a un peu plus de 7 ans, avait suscité un immense espoir. Souvenez-vous du slogan de sa campagne, Yes We Can. Obama a-t-il réussi à changer le visage de l'Amérique ? Quel bilan peut-on déjà tirer de son mandat ? Et qui pour lui succéder ? Eh bien, pour répondre à ces questions, Frédéric Carbone, correspondant de France Info à Washington, et Thomas Negaroff, historien des États-Unis pour notre chaîne France Info. Tout d'abord, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Frédéric, vous qui suivez attentivement la Maison Blanche, peut-on dire déjà qu'Obama aura été un grand président ? Merci pour la question. Prenons ce qu'il dit lui-même déjà. Il a donné une très intéressante interview il y a un peu plus d'un an au journal New Yorker. Et justement, il parlait de cette notion de grand président américain. Et voilà ce qu'il disait. Même Lincoln, que je considère comme le plus grand des présidents américains, il a fallu 150 ans pour que l'on parvienne à un début d'égalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis après lui. Autrement dit, que ce qu'il a initié, Lincoln, soit mis en œuvre. Nous essayons simplement, dit Obama, d'écrire de façon juste notre paragraphe dans la grande histoire. Et il conclut, le président des États-Unis ne peut pas tout dans la société, tout changer, et c'est définitivement une bonne chose. Donc voilà un mélange de principes auxquels il faut être fidèle, de valeurs et de pragmatisme. À cet homme, on peut regarder par exemple ce qu'il avait dit avant d'arriver, qu'il fallait parler à tout le monde, on parle là de relations internationales, qu'il fallait parler à tout le monde, y compris aux adversaires les plus résolus de l'Amérique. D'où, ben voilà dans son bilan, Cuba, le rétablissement des relations diplomatiques, l'accord nucléaire, ça sera probablement une des choses qui resteront de Barack Obama. Après, à l'intérieur, l'économie, il arrive en 2008, économie totalement sinistrée, la crise bancaire, aujourd'hui, moins de 5% de chômage, mais après on en parlera sans doute, gros souci en termes d'inégalité. Et puis Barack Obama, il arrive sur la promesse de fin des guerres de l'Amérique. Certes, il y a eu un retrait d'Irak, Mais c'est sur le chaos et le vide qui a suivi que Daesh a prospéré. Et en Afghanistan, il restera encore 5000 hommes au moins après son départ de la Maison-Blanche. Et puis la notion de grand président, peut-être qu'elle est très relative. Carter, à la fin de son mandat, personne n'aurait utilisé ce terme. Maintenant, on l'appelle le plus grand des ex-présidents des États-Unis. Obama sera jeune quand il partira de la Maison-Blanche. Il aura du temps pour peaufiner encore sa stature. Alors Thomas Snegaroff, qu'est-ce qui marquera son passage à la tête de l'État? Il faudra attendre qu'il soit mort pour dire que ça a été un grand président? Non, pas forcément, mais c'est vrai, comme le disait Frédéric Carbone, il est encore très jeune, donc il aura une très longue vie après la présidence. Peut-être il sera un juge de la Cour suprême, on ne sait pas vraiment du tout ce qu'il deviendra. J'ajouterai à ce bilan très complet de Frédéric Carbone, Obamacare quand même, qui est une réforme de santé qui a bouleversé l'Amérique, qui l'a transformé. Je pense que... Justement Thomas, cet Obamacare, c'est une réussite ou c'est un semi-échec, comme on semble le constater aujourd'hui? C'est extrêmement compliqué à mettre en place, c'est très long, ça coûte très cher aujourd'hui encore. Les effets seront vus à long terme, hein, parce que il s'agit évidemment de la santé publique, donc là, c'est souvent des choses qui se mettent en place très lentement. Il a dû faire face à des républicains qui ont été extrêmement hostiles à la mise en place, qui ont tenté par tous les moyens de revenir dessus devant la Cour suprême à plusieurs reprises. Donc c'est quand même quelque chose qui marquera l'histoire de l'Amérique. Et puis, vraiment, je pense que ça restera une présidence historique, d'abord par le fait même qu'il soit devenu président des États-Unis, étant lui-même métis, mais se considérant comme noir. Et puis, bien sûr, le rapprochement historique avec Cuba et l'Iran. D'une certaine manière, je pense que Barack Obama, alors qu'il espérait être le président qui ouvre une nouvelle ère, je pense qu'il a plutôt clos une ère, à savoir une ère de relations internationales. C'est le président peut-être de la fin de la guerre froide, en fait. Même si elle a fini il y a 10 ans, la guerre froide, il y a même 20 ans, pardon, il a aussi achevé des choses, même s'il y reste beaucoup de choses, des chantiers. Il y a des tas d'éléments, c'est un peu ce que voulait dire aussi Frédéric Carbone, il y a des tas d'éléments qu'il a posés, mais qui seront ensuite, bien plus tard, mis au crédit de l'Amérique. Peut-être pas à son crédit à lui, mais il a semé des germes. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la présidence Obama, mais juste une question sur la crise, face à la crise. C'est une réussite, c'est un échec. Comment faut-il interpréter le fait qu'effectivement, maintenant, le chômage aux États-Unis soit si bas, Frédéric? Objectivement, sur la crise, c'est un succès, personne ne peut le nier. L'état des banques à l'époque, la question économique gravissime, c'est là-dessus d'ailleurs qu'il est élu. Aujourd'hui, effectivement, 5% de chômage, mais j'en disais un mot tout à l'heure, et ça va être un des grands thèmes de la campagne électorale américaine. Tout le monde ne profite pas de la reprise. Il y a un immense problème de classe moyenne aux États-Unis aujourd'hui, de distribution, de pauvreté. Obama en parle beaucoup. Obama n'a pas réussi à faire changer ces choses-là, et ça sera un des grands thèmes de la campagne électorale. Thomas Snegaroff. Alors, vous dites personne ne peut le nier, ben moi je le nie, hein, parce que 5% de chômage, d'accord, mais avec un taux d'emploi extrêmement faible, historiquement aux États-Unis, où c'est le taux d'emploi, hein, c'est la proportion d'une population en âge de travailler qui travaille effectivement. Et là, on retrouve des taux d'emploi qu'on avait aux États-Unis au début des années 1980. Ce que ça veut dire, c'est que des gens ont quitté le marché du travail, ont décidé de ne plus même chercher d'emploi, donc ils sortent des chiffres du chômage, mais c'est des gens qui, quand même, sont expulsés de la vie économique et sociale. Et les inégalités que vous évoquiez, elles sont aussi là. Et l'un des vrais enjeux, ça va être aussi de remettre les Américains, tous les Américains au travail. On en est encore très très loin. La crise, elle a été réglée en grande partie, mais il reste des enjeux, notamment l'endettement, qui alors là n'a pas du tout été endigué. La dette ne cesse d'augmenter et de croître. C'est une bombe à retardement. Alors, il y a différentes lois qu'il voulait initier, notamment la loi sur l'interdiction des armes à feu. Il y a aussi du racisme encore aux États-Unis. Et puis, il y a eu le Congrès qui lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, Frédéric. Oui, le Congrès lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je voudrais rebondir sur ce que vous dites sur le racisme. Ça, c'est aussi une des questions qui restera après Barack Obama. Lui, sans doute, ne le pensait pas quand il a été élu, mais beaucoup d'Américains et dans le monde entier, on voulait penser que l'élection de Barack Obama signifiait qu'il n'y avait plus de questions raciales, d'une certaine manière, aux États-Unis. Ce qui se passe depuis des mois démontre que ça n'est absolument pas le cas. Et alors je n'ai aucune information, évidemment, je ne sais pas ce que fera Barack Obama une fois qu'il aura quitté la Maison Blanche, mais j'imagine, vu les discours qu'il tient ces derniers temps, j'imagine que c'est une question sur laquelle il s'investira énormément après avoir la Maison Blanche. Alors on a parlé aussi politique étrangère tout à l'heure, politique étrangère plutôt frileuse, y compris sur la Syrie, Thomas. Alors bah c'est un peu je pense que c'est un des points noirs quand même. C'est-à-dire que nous, Européens, on trouve ça très bien, un président qui réfléchit, un président qui doute, un président qui prend le temps de la réflexion. Pour les Américains, c'est considéré quand même comme un signe de faiblesse. La fameuse doctrine Obama de politique étrangère, le lead from behind, à savoir de mener de l'arrière, de laisser des alliés, notamment la France au Mali par exemple, agir, ou en Libye, on l'a vu avec les Français et les Anglais, C'est aussi considéré comme un déclassement, comme un déclin. Pour beaucoup d'Américains, Barack Obama, qui n'est pas extrêmement populaire aux États-Unis, c'est le président du déclin, et c'est en partie parce qu'il a posé des lignes rouges qu'il n'a pas fait respecter ensuite, notamment sur l'usage des armes chimiques par la Syrie de Bachar al-Assad, ça n'a rien donné. Sur aujourd'hui contre Daesh, on considère qu'il a été très très très lent à réagir, très lent à prendre la mesure de l'importance de Daesh pour la région et pour l'ensemble du monde. Et puis on avait longtemps dit aussi que Barack Obama, c'était le président qui avait mis à l'abri les États-Unis du terrorisme, sauf que c'est pas vrai, parce que récemment San Bernardino, et puis il n'y a pas si longtemps, il y avait une tuerie à Chattanooga, on vient d'apprendre que c'était aussi un acte terroriste. Donc les États-Unis ne sont pas à l'abri. Barack Obama espérait être le président qui sorte l'Amérique de la guerre contre le terrorisme. Il l'a dit dans les mots, on n'est plus en guerre contre le terrorisme, mais de fait, cette question se réinvite. Je crois que c'est un peu comme, vous savez, il avait voulu aussi sortir d'Europe pour aller vers le Pacifique. L'Europe s'est réinvitée avec la Russie de Poutine. Voilà, c'est pas facile d'inventer un monde nouveau dans le monde d'aujourd'hui. Alors si on parlait un peu d'avenir, Frédéric, qui pour lui succéder, Hillary Clinton a-t-elle ses chances? Ou Donald Trump, qui amuse beaucoup quand on le voit depuis l'Europe? Comment vous voyez les choses? Je me garderai bien de tout pronostic. On est après un an de l'élection. On pourra avoir une idée précise quand les Américains auront commencé à voter réellement, pas dans les sondages mais dans les urnes, à partir des premières primaires au début février. Hillary Clinton, bien sûr qu'elle a ses chances, et bien sûr, là, sans faire de pronostic, qu'elle a toutes les chances d'être la candidate du Parti démocrate cette fois-ci, qu'il n'y aura pas un autre Barack Obama comme en 2008 pour venir créer la surprise. Côté républicain, bouteille à l'encre absolue. Ce que je peux vous dire, c'est que les républicains craignent énormément Donald Trump. Quand vous discutez aujourd'hui avec des républicains, on va dire de l'establishment, du parti, qui sont des cadres, des élus locaux, ils craignent énormément Donald Trump parce qu'il n'est pas des leurs. Et qu'ils sont persuadés que si c'est Donald Trump qui est candidat, là il y a un boulevard pour Hillary Clinton, et que les républicains non seulement ne reprendront pas la Maison Blanche, mais risquent de perdre aussi énormément de sièges au Congrès, voire leur majorité au Sénat. Donc c'est, pour le moment, Donald Trump, c'est presque plus un cauchemar pour les républicains qu'autre chose, là, dans la période qui arrive. Voilà, on se donne rendez-vous en novembre prochain. Donc à Frédéric Carbone, Thomas Negaroff, merci à tous les deux. Les mots de l'info, c'est sur France Info, bien entendu, et puis à réécouter sur franceinfo.fr. Consultez les milliers d'offres près de chez vous sur franceinfo.fr et retrouvez tous les conseils et toute l'actualité du monde du travail. franceinfo.fr, rubrique emploi. France Info. France Info. 21h minuit. Céline Maslow. Allez, dans un instant, place au bourg, de lapsus aux oublis, aux fous rires, bref, au meilleur du pire de 2015 sur France Info, c'est le bêtisier de l'année. Préparé pour Gaël Joly, et vous allez voir que c'est pas triste. Avant cela, 23h46, on fait le point sur les grands titres de l'actualité. 2016 sera l'année de la vaillance et de l'espérance, comme le veut la tradition du 31 décembre. François Hollande a présenté ce soir ses vœux à la nation avec deux priorités affichées par le président. Lutter contre le terrorisme et lutter contre le chômage. 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires pourront bénéficier d'une formation. Le service civique sera généralisé. On y revient en détail dans le prochain journal. Le bilan est de 16 blessés, mais il aurait pu être beaucoup plus lourd. Un gratte-ciel de Dubaï a pris feu ce soir. Gigantesque incendie dont l'origine n'est pas encore déterminée. Dubaï qui n'a pas annulé les festivités. Le grand feu d'artifice a bien eu lieu. Des feux d'artifice un peu partout dans le monde ce soir. Sydney, Pékin, Tokyo, Moscou sont déjà passés en 2016. À New York, 1 million de personnes sont attendues à Times Square. 2 millions de personnes sur la plage de Rio au Brésil où on se prépare activement. Et puis en France, la nouvelle année, c'est dans moins d'un quart d'heure. Allez, 13 minutes exactement. Restez avec nous. On va faire le décompte et on va vivre ce passage à la nouvelle année en direct des Champs-Élysées. France Info. Eh oui, ce sont les joies du direct. On a parfois la langue qui fourche ou encore la mémoire qui flanche. On a commis encore quelques bourdes, quelques lapsus, quelques fous rires cette année sur France Info. Gaël Joly a compilé tout ça. C'est le bêtisier 2015. Et il est 4h22, l'essentiel avec, Alice Thibault, excusez-moi. Jérôme Colombin, bonjour Jérôme. Bonjour Jérôme, bonjour Fabienne. Bonjour Jérôme, c'est une série paléolotique, je vais pas y arriver. Bonjour Céline Aslo. Bonjour Marie. Je vais vous laisser le dire. Paléolitiquement incorrect. Absolument, bah, voilà. Un Français déçu donc, un peu comme une partie du temps.

dans une tour dans le centre de Dubaï. Un premier bilan fait état de 16 blessés, mais le gratte-ciel a pu être rapidement évacué. Sydney avait été la première à basculer en 2016. D'autres capitales depuis ont célébré le passage à la nouvelle année. On va citer par exemple Pékin, Tokyo, Moscou, où il y a eu de grands feux d'artifice. Pas de feux d'artifice à Paris, mais une avenue noire de monde. Ce sont évidemment les Champs-Élysées. On y sera en direct dans un instant. France Info. Allez, on va vivre ensemble les dernières minutes de 2015. Je vous le disais, dans un instant, on ira sur les Champs-Élysées pour le décompte des 12 coups de minuit avec les Parisiens, mais aussi les touristes. Ils sont nombreux qui sont rassemblés sur l'avenue parisienne. Avant cela, eh bien, on va voir comment ça se passe chez nos voisins. Et vous allez voir, en Espagne, la Saint-Sylvestre est très organisée. Pas question de faire les choses dans le désordre. Écoutez les précisions à Madrid de Mathieu de Taillac. Le réveillon est très codifié en Espagne. Il se divise en deux parties. D'abord, le dîner en famille, puis plus tard, la fête entre amis. Et entre les deux, le rituel immuable des 12 coups de minuit. Ceux qui font foi sont ceux de l'horloge de la Puerta del Sol au centre de Madrid. Chaque année, des milliers de personnes se massent sur la place et les campanadas, les coups de cloche d'un immeuble du 18e, sont retransmis par toutes les chaînes de télévision. Dans les salles à manger de toute Espagne, chaque convive avale 12 grains de raisin, un lors de chaque coup d'horloge. Hier soir, c'était la répétition générale. Nouveauté cette année, la sécurité. L'assistance sera limitée à 25 000 personnes ce soir sur la Puerta del Sol et les contrôles de police seront renforcés. Et puis le réveillon sera éminemment politique. Moins de deux semaines après les élections, aucune majorité n'émerge au Parlement. Les discussions de famille seront animées à tel point que les médias publient des guides pour éviter les conflits et sur les smartphones, une application, Noche de Paz, Nuit de Paix, propose de détecter les sujets de conversation polémiques et de les désamorcer en racontant une blague. On espère que les plaisanteries seront bonnes pour commencer une feliz Año Nuevo, l'heureuse nouvelle année 2016. Madrid, Mathieu de Taillac, on s'en fout. Et puis à tous ceux qui célèbrent la nouvelle année en force et en ton, car c'est le plein été à Sydney par exemple. Sydney qui a été la première grande ville à être passée en 2016. Un grand feu d'artifice a été organisé devant le fameux opéra. Et en Australie, à la Saint-Sylvestre, eh bien, on mange des fruits de mer. C'est ce que nous raconte Joël, un Français qui habite sur place. La tradition à Sydney, c'est d'abord les gens vont autour du port pour regarder le feu d'artifice devant l'opéra de Sydney et devant le pont de Sydney. Pour certains, on se réunit chez nous à la française, c'est ce qu'on a fait nous-mêmes avec des amis français qui sont résidents aussi en Australie depuis un certain temps. Et nous avons eu un réveillon tout à fait à la française, avec des mets quand même plutôt australiens parce que nous sommes en été ici. Alors en général, c'est plutôt des fruits de mer et des choses de ce genre-là. Mais bien sûr, du champagne français, c'est très important pour la circonstance. C'est surtout des fruits de mer, des crevettes, des langoustes. C'est en général autour de fruits de mer que se fait le réveillon, en général en Australie. Il fait quand même relativement chaud, donc c'est pas la dinde marron. Il y a quand même beaucoup de monde dans les rues, hein, il faut savoir. Il y a 1,5 million de personnes devant le port pour regarder le célèbre feu d'artifice que vous verrez à la télévision dans les minutes qui suivent probablement, ou dans la matinée. C'est ça la tradition en Australie. C'est aller le soir autour du port pour regarder sur les feux d'artifice qu'ils tirent. Alors il y a 5 feux d'artifice qui sont parfaitement synchronisés et ils se terminent par une superbe cascade sur le pont, le fameux pont de Sydney qui va entre la ville et North Sydney. Les gens se disent, nous espérons que les vœux que l'on fait pour 2016 seront exaucés, et contrairement aux vœux qu'on a fait pour 2015 qui n'ont pas été exaucés puisque ça a été une année difficile. En Australie aussi, il y a eu un attentat, il y a eu des prises d'otages. Enfin, je veux dire, c'est une année qu'on voudrait effacer, absolument. Si vous voulez, les gens ici sont très conscients du fait qu'on ne veut pas dire qu'on cède à la peur, qu'on cède au chantage d'une possibilité d'attentat, etc. Donc on sort, on se montre et on ne se laisse pas avoir. Hein. On ne laisse pas gagner ceux qui veulent nous embêter et changer notre mode de vie. Voilà, on sort, on se montre, on ne se laisse pas avoir. Ça pourrait être aussi la devise de Paris. Paris sous haute surveillance ce soir, mais Paris qui célèbre bien la nouvelle année. On sera en direct sur les Champs-Élysées dans quelques instants. Écoutez. Bonjour, je suis Jean Dormesson. Je sais que mon monde est très difficile. Je vous lis un livre qui s'appelle « Je dirais malgré tout que cette vie fut belle ». Et bien, je crois qu'au milieu de toutes les horreurs que nous connaissons, il faut être heureux. Avec France Info, je vous souhaite une belle fête et une belle année. Allez, moins d'une minute maintenant avant le passage en 2016 et on va retrouver Maxime Fayolle qui avait passé la soirée sur les Champs-Élysées. On entend derrière vous qu'il y a beaucoup d'ambiance. Comment ça se passe maintenant à quelques secondes des 12 coups de minuit? Maxime Fayolle. La petite. Oui, Céline, vous m'entendez? On vous entend, Maxime. Allez. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui. Ah, c'est bien. Je vous rappelle, derrière moi, il y a le petit show, la petite présentation sur l'Arc de Triomphe. Alors, l'ambiance s'est un petit peu réchauffée, c'était un petit peu mou tout à l'heure. Là, le show a lieu en ce moment sur l'Arc de Triomphe. Ça a commencé par une petite Marseillaise avec un drapeau bleu-blanc-rouge qui a été projeté sur l'Arc de Triomphe. Et là, ce sont des chansons à la gare de Paris. Et le décompte, 5, 4, 3, 2, 1... Merci Maxime Fayolle de nous avoir fait vivre ce passage à 2016 en direct sur les Champs-Élysées. Je ne suis pas seule dans ce studio, toute la rédaction de France Info. Je vous souhaite à vous qui nous écoutez une très belle année, beaucoup de bonheur à vous, à vos proches, à ceux que vous aimez. On espère bien sûr qu'en 2016 sera une année plus douce que 2015. En tout cas, nous, on sera là pour vous accompagner tout au long de l'année. Et tout de suite, le tout premier journal de 2016, il est minuit sur France Info. France Info, le réflexe info. Et c'est un journal présenté par Armand Perroulogard. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir et bonne année à tous. C'est donc parti pour 2016. Nous reviendrons dès le début de ce journal sur les Champs-Élysées où les festivités sont plutôt sobres ce soir. L'image de la soirée, c'est aussi ce gigantesque incendie dans un hôtel de Dubaï aux Émirats. Le feu a pris dans le secteur où tous les touristes affluaient pour le feu d'artifice du nouvel an. Le bilan est encore très provisoire. 16 blessés selon les autorités. La menace terroriste toujours d'actualité en France. François Hollande y a consacré une grande partie de ses vœux. Le chef de l'État annonce également un plan d'urgence économique et sociale en faveur de l'emploi. Et puis le temps très doux en ce moment en France, douceur inhabituelle aussi au pôle Nord avec des températures de 0 à 2 degrés. France Info. Adieu 2015, nous voilà donc en 2016. On repart tout de suite sur les Champs-Élysées, lieu de rassemblement traditionnel des fêtards. Festivité qui était quand même réduite ce soir. Maxime Fayolle, vous êtes sur place. Quelle est l'ambiance à minuit 1? C'est ouf, hein, ça y est, 2015, c'est terminé, place à 2016 avec une ambiance qui était un petit peu plus chaude qu'en milieu de soirée où ça a été un petit peu à débuter. Hein. Il y a eu forcément pas trop de monde, beaucoup moins que les 600 000 qu'il y a eu l'année dernière, une ambiance qui était un peu plus studieuse cette année. Là, l'Arc de Triomphe est éclairé. Alors, 1000 couleurs avec marqué en haut 2016, il y a eu une petite présentation qui a duré 5 minutes, pas plus, avec une Marseillaise, le drapeau bleu, blanc, rouge et surtout une projection sur le vivre ensemble, c'est ce qu'a voulu la mairie de Paris. Un 31 bien évidemment marqué aussi du saut de la sécurité avec des très nombreux forces de l'ordre qui étaient présents. Ils étaient près de 1700 sur les Champs-Élysées. Maxime Fayolle en direct des Champs-Élysées, l'avenue qui va rester piétonne jusqu'à 1h15 du matin. Et on rappelle qu'en Ile-de-France, les transports en commun sont gratuits toute la nuit. Presque toute l'Europe a basculé en 2016, sauf la Grande-Bretagne et le Portugal. Ce sera dans 1 heure pour ces deux pays. Les festivités sont là aussi très encadrées face à la menace terroriste. En Allemagne, la police met en garde contre un attentat à Munich cette nuit. La gare principale de la ville a été évacuée tout à l'heure, ainsi qu'une autre gare à l'ouest de la ville. À Madrid, la police a limité à 25 000 le nombre de personnes autorisées à aller sur la Puerta del Sol. À Londres, 3 000 policiers sont actuellement mobilisés pour le traditionnel feu d'artifice qui aura lieu tout à l'heure sur les bords de la Tamise. Et à Moscou, la place rouge était interdite au public au moment du réveillon. Situation tendue aussi en Belgique où ce matin, 6 personnes ont été interpellées dans la région de Bruxelles. Ce soir, 3 sont toujours en garde à vue. Les autorités les soupçonnent d'avoir projeté un attentat pour les festivités du Nouvel An. La menace terroriste, c'était aussi le thème dominant de François Hollande ce soir lors de ses vœux aux Français. Un discours de 9 minutes, debout dans le salon Napoléon III de l'Élysée. Le chef de l'État a parlé sur un ton grave et solennel pour évoquer ce risque d'attentat. Je vous dois la vérité. Nous n'en avons pas terminé avec le terrorisme. La menace, elle est toujours là. Elle reste même à son plus haut niveau. Nous jouons régulièrement des attentats. Aussi, mon premier devoir, c'est de vous protéger. Vous protéger, c'est agir à la racine du mal, en Syrie, en Irak. Et c'est pourquoi nous avons intensifié nos frappes contre Daesh. Les coups portent, les djihadistes reculent. Alors, nous continuerons autant que nécessaire. Vous protéger, c'est agir ici sur notre sol. Au soir des attentats, j'ai sur la proposition de Manuel Valls instauré l'état d'urgence. Puis devant le Parlement, réuni en congrès à Versailles, j'ai en conscience fait un choix, à la mesure de ce que nous avions éprouvé. J'ai d'abord décidé de renforcer les effectifs et les moyens de la police, de la justice, du renseignement et des armées. J'ai engagé ensuite une réforme de la procédure pénale pour lutter plus efficacement contre le crime organisé, son financement et les trafics qui l'alimentent. Enfin, j'ai annoncé une révision de la Constitution pour donner un fondement incontestable au recours à l'état d'urgence lorsqu'un péril imminent nous fait face. Et François Hollande a défendu aussi ce soir l'inscription dans la Constitution de la déchéance de nationalité. Sur le plan économique, il assure que la lutte contre le chômage reste sa priorité. Il annonce de nouvelles aides à l'embauche dans les PME dès le début 2016 et un plan massif de formation pour les demandeurs d'emploi, pour 500 000 demandeurs d'emploi supplémentaires. François Hollande annonce également un programme de grands travaux pour la croissance verte, travaux pour rénover les bâtiments et développer les énergies renouvelables. Les réactions politiques après ce discours, l'opposition dénonce un discours sans grande consistance, rien d'audacieux pour nourrir l'espérance en économie, a dit Hervé Mariton pour les Républicains. Pour Marine Le Pen, rien ne montre que le président ait pris ce soir la mesure de la situation de la France. À Europe Écologie Les Verts, on déplore le manque d'annonces concrètes, si ce n'est l'entêtement sur la déchéance de nationalité. Fin de citation. Cette soirée du Nouvel An est aussi marquée par un spectaculaire incendie à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. Le feu a pris dans une des principales tours de la ville, bâtiment de 63 étages qui abrite notamment un hôtel international. Il a pu être évacué à temps. Les autorités parlent pour l'instant d'un bilan de 16 blessés, dont 2 graves. Sur place pour France Info, Eva Lejvec. C'est un événement qui va changer la face de la ville de Dubaï et qui pourrait mettre en péril son attractivité pendant un moment. C'est à 300 mètres de la tour la plus grande du monde, Burj Khalifa, que l'énorme incendie fait rage en ce moment. Le 5e plus haut hôtel de Dubaï, The Address Hotel, d'une hauteur de 300 mètres, connu pour son emplacement face à la Burj Khalifa, est situé à proximité de Dubai Mall, qui est le plus grand centre commercial de Dubaï et l'un des plus grands au monde. Pour l'instant, les origines de l'incendie ne sont pas encore confirmées, mais selon les autorités de Dubaï, il aurait commencé sur le 20e étage et il serait d'origine extérieure. Selon les informations, la zone a été évacuée en commençant par l'hôtel, puis le centre commercial et les alentours. Le feu semble difficilement maîtrisable pour l'instant, bien que les autorités ont déclaré maintenir les festivités. Et le feu d'artifice organisé par Dubaï était encore une fois spectaculaire. C'est certainement un coup dur pour cette ville qui a fondé son économie sur le tourisme et qui se prépare à accueillir l'Expo universelle de 2020. À Abu Dhabi, Eva Levesque pour France Info. Un triste bilan en 2015 pour les migrants et réfugiés qui tentent de rejoindre l'Europe. 3770 ont trouvé la mort en Méditerranée. C'est 500 de plus qu'en 2014. Chiffre donné ce soir par l'OIM, l'Organisation Internationale pour les Migrations. Cette année 2016 commence par une météo assez exceptionnelle. On peut même parler de dérèglement climatique avec des tornades meurtrières au Texas, des inondations au Royaume-Uni et dans le Missouri, de fortes chaleurs en Australie, des températures douces en Europe, mais aussi au pôle Nord où il fait entre 0 et 2 degrés. C'est 20 degrés de plus que les normales saisonnières. Marie-Laure Josselin. c'est l'été au pôle Nord. Du moins, c'est l'impression que cela donne. Normalement, la température approche du point de congélation seulement pendant l'été. Or, en cette fin décembre, le thermomètre oscille entre 0 et 2 degrés, soit 20 degrés de plus que les normales saisonnières. En cause, une dépression extrêmement violente et puissante qui avait permis à nous, Montréalais, de fêter Noël presque en t-shirt avec 15 degrés au lieu des moins 10 degrés, des bancs de neige et de la grosse doudoune habituelle. Cette dépression a fait avancer de l'air chaud jusqu'au pôle Nord, où les scientifiques ont relevé que le mercure avait brusquement grimpé, passant par exemple de moins 37 lundi à moins 8 mercredi sur une balise dans l'Arctique située à 300 km du pôle Nord. On le sait, l'Arctique est la région du monde la plus affectée par le réchauffement climatique, mais c'est un peu tôt pour faire un lien avec ces températures exceptionnelles. Il faut plutôt y voir l'œuvre d'El Niño, ce phénomène météorologique qui se manifeste tous les 3 à 7 ans et qui n'a pas fini de faire parler de lui cette année. À Montréal, Marie-Laure Josselin pour France Info. Et à minuit 9, on va voir comment se présente la première journée de l'année en France au niveau météo. France Info Météo avec teva-observance.fr, le site internet du laboratoire Teva qui aide les personnes âgées à mieux gérer leur santé. Jean-Michel Golinski de Météo France. Le début de l'année 2016 sera un peu plus frais, surtout en cette fin de nuit avec 1 à 6 degrés sous abri et pas mal de gelées blanches, notamment du centre au quart nord-est et dans l'intérieur de la Bretagne. De plus, au lever du jour, les visibilités seront souvent réduites par le brouillard, une grisaille dense qui aura beaucoup de mal à évoluer aujourd'hui sur l'Alsace, la Lorraine, la Bourgogne, le Val-de-Saône et au nord de la Seine. Autour de la Méditerranée et surtout dans le golfe du Lion, les grisailles maritimes entretenues par un vent marin modéré vont donner un peu de pluie au pied des Cévennes. En allant vers l'océan à l'approche d'une perturbation, le vent va se renforcer vers 80 km à l'heure dès ce matin. Très vite, la pluie va s'installer sur la Bretagne, puis sur toute la moitié ouest en cours de journée, avec cet après-midi des températures qui vont se maintenir à peu près au même niveau qu'hier. Il fera entre 13 et 16 degrés dans la moitié sud, 10 à 12 au nord de la Loire et entre 7 et 9 dans le nord-est et en Rhône-Alpes. Jean-Michel Golinski. GMF, l'assureur qui prend soin de vous, vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. Rappelez-vous de rester vigilant si vous prenez la route. GMF, assurément humain. France Info. Et notre coup d'œil sur les places financières, elles ont terminé l'année en repli. C'est le cas du CAC 40 à Paris, Jean-Yves Courtial. En baisse tout au long de cette demi-séance, le CAC 40 recule aujourd'hui de 0,86% à 4637 points, mais il affiche un gain de 8,53% sur l'ensemble de l'année. Les rares investisseurs présents n'avaient pas grand-chose à surveiller aujourd'hui, si ce n'est comme depuis plusieurs semaines, l'évolution du prix du baril de pétrole. C'est d'ailleurs l'une des données qui a marqué l'année, au même titre que l'action des banques centrales avec une normalisation de la politique monétaire aux États-Unis, alors qu'à l'inverse, en Europe, la BCE a mis en place des mesures pour relancer la croissance. Sur le marché de l'or à Londres, au premier fixing, l'once d'or s'établit à 1062,25 $ et à Paris, le lingot coûte 31 370 €, le lingotin de 50 grammes 1570 € et le Napoléon 184,20 $. Sur le marché des devises, au moment de la clôture, l'euro s'est changé contre 1,0883 $ et côté valeur, l'heure est au bilan au sein du CAC 40. Les meilleures performances de l'année reviennent aux constructeurs automobiles. En 2015, Peugeot a gagné 58,56%. Suivi de près par Renault, dont le titre s'est apprécié de 56,21%. Sur la troisième marche du podium, on retrouve Veolia Environnement qui s'est adjugé 53,69%. En revanche, dans le rouge, la plus forte baisse revient comme l'année dernière à ArcelorMittal qui a chuté en 2015 de plus de 56%. Et en deuxième position, Engie, l'ex-GDF16, a limité la casse avec un repli de 13,13%. Je vous rappelle le CAC 40, il recule aujourd'hui de 0,86% à 4637 points et il progresse sur 2015 de 8,53%. La bourse, Jean-Yves Courtial pour France Info. Et à New York, Wall Street a aussi fini en baisse ce jeudi, Pierre-Yves Dugas. Le Dow Jones termine l'année sur une baisse de 179 points à 17 424, son plus bas niveau de la séance. Le Nasdaq perd 58 points et finit à 5007. La première surprise aujourd'hui, le rebond de plus d'1% du baril de pétrole qui termine donc 2015 à un peu plus de $37, soit une chute de 31% cette année. Seconde surprise, cette hausse du pétrole aujourd'hui n'a pas dopé les cours des actions, même pas les cours des pétrolières. Troisième surprise, la légère hausse des demandes initiales hebdomadaires d'indemnisation chômage. On anticipait au contraire un nouveau repli Pour autant, on reste à un niveau extrêmement bas. L'euro perd 0,6% et finit ce soir à 1,0865. L'indice Dow Jones, donc, abandonne 1%. Le Nasdaq chute d'1,2% sur l'ensemble de l'année. Le Dow Jones perd 2,2%. Le Nasdaq, cette année, parvient à grimper de 5,7%. Les cotations reprennent lundi 4 janvier. GMS, l'assureur qui prend soin de vous, vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. Rappelez-vous de rester vigilant si vous prenez la route. GMS, assurément humain. France Info. Les mots de l'info. FIFA ou le scandale en quatre lettres, car c'est peu dire que l'Association internationale de football aura vécu une année 2015 tumultueuse, avec, petit rappel des faits, le 27 mai, l'arrestation de 7 hauts responsables de la FIFA pour corruption, le 3 juin, la démission du Stade Dakar, 5 jours après sa réélection, la suspension suite en octobre de Michel Platini, suspension confirmée le 21 décembre dernier pour 8 ans, ce qui exclut, sous réserve d'appel, l'ancien 10 des Bleus de toutes les instances du football international. Alors, la FIFA pourra-t-elle se relever de ces scandales ? Pour en débattre avec nous, Éric Champel, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Football, vous êtes également l'auteur de FIFA Gate avec Philippe Auclair aux éditions Michel Lafon. Et puis avec nous également Sébastien Hazard. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et l'un des spécialistes du football à France Info. Messieurs, comment s'explique que la FIFA soit devenue une telle pétolière ? On va commencer avec vous, Éric Champel. Bah, c'est pas nouveau, simplement la nouveauté c'est qu'à un moment donné les Américains, le FBI et la justice américaine et voire la justice suisse ont décidé de lever ce coin du voile fin mai, et à partir de là c'est sans fin, c'est-à-dire que c'est un scandale à répétition. On parle aujourd'hui de sommes de pots de vin de l'ordre de 200 millions et je pense que c'est encore plus. Donc on est aujourd'hui dans un processus de dévoilement qui sûrement pas terminé. Sébastien Hazard, quand Éric Champel dit c'est pas nouveau, ça existe depuis des années comme ça, tout le monde est au courant ? Plus ou moins pas au courant qu'il y ait de la corruption à ce niveau-là, non. En revanche, qu'il y ait des soupçons de gestion parfois délicate et voire illégale de la FIFA, c'est pas une énorme surprise de tout temps quasiment dans cette organisation, comme dans différentes organisations qui gèrent le sport au niveau mondial, il y a eu des conflits. Le CIO, par exemple. Le CIO a eu la même chose. À une échelle un peu moindre, effectivement, mais il y a eu un scandale concernant le CIO. La Fédération d'athlétisme internationale est également dans les mêmes difficultés actuellement. La différence, là, cette fois-ci, c'est que, visiblement, la justice, alors on parle de la justice interne, etc., ça c'est une chose, mais la justice américaine et la justice suisse veut aller jusqu'au bout. Éric Champel, comment ça s'explique finalement ? C'est un problème de quoi ? D'homme ? C'est un problème de statut ? C'est un problème d'une association qui a grandi trop vite ? Ah oui, c'est clairement un problème de gouvernance. Il faut savoir que il n'y a jamais eu de contrôle sur l'intégrité des membres du comité exécutif qui étaient désignés par les confédérations, où il y a dans certaines confédérations, notamment en Amérique du Sud, c'est l'héritage de Dion Avalanche, il y a de véritables parrains, que ce soit Grondona, l'Argentin qui est décédé l'année dernière, que ce soit Texera, le président de la Confédération brésilienne, que ce soit Nicolas Leos, qui a été également président de la CONMEBOL. Donc il y a une vraie culture de la corruption et des arrangements entre amis dans ces confédérations. Tout ça converge vers le comité exécutif de la FIFA, avec lequel Sepp Blatter a été obligé de composer. Comment a-t-il composé avec ce comité exécutif qui était véreux pour la plupart ? Eh bien, il a fermé les yeux sur leurs agissements. C'est ce qu'on peut voir aujourd'hui et c'est ce qu'on prend en pleine figure. Sébastien, il y a tellement d'argent dans le football au niveau de la FIFA que finalement beaucoup de gens se sont dit c'est pas grave parce que de toute façon il en restera toujours et on l'a laissé faire un petit peu ce système qui a perduré sans avoir de contrôle. Et aujourd'hui on parlait de Sepp Blatter, pour le moment il n'est pas accusé d'avoir touché de l'argent dans les différentes affaires. Éric Champel dit il a juste laissé faire. Ce qu'il faut pas oublier, Eric, c'est quand Champel, même en 82 Sepp Blatter avait fait un emprunt à valoir sur les droits du mondial en Espagne pour payer les salariés de la FIFA. Avec l'explosion du sport business, de l'industrie du spectacle, etc., la FIFA, elle avait tout petit effectif, etc. Et puis, il y a eu l'explosion des Coupes du Monde, de l'industrie du spectacle, et la FIFA s'est retrouvée assise sur un tableau. Et elle n'a pas du tout changé son mode de gouvernance, qui est celui d'une association de pêcheurs à la ligne. Il ne faut pas l'oublier, gestion paternaliste. Voilà, aujourd'hui, tout ça explose au grand jour, parce qu'il n'y a absolument aucun instrument de contrôle ni de contre-pouvoir. Sébastien, est-ce que la FIFA est réformable? C'est une question à laquelle on n'a pas encore la réponse. Il y a une volonté, effectivement, de faire sortir beaucoup de monde qui était dans des postes à responsabilité ces dernières années. Mais malgré tout, il y a des réformes qui vont être votées lors du prochain comité exécutif. Ce sera au moment de l'élection, ce sera le 26 février. C'est de séparer un petit peu plus l'aspect politique, donc le comité exécutif, le gouvernement du football, de l'aspect commercial. Et ce serait le secrétaire général de la FIFA qui gérerait tout ça. C'est le nouveau secrétaire général, puisque Valk a été lui également délit ses fonctions. Mais encore une fois, ça dépendra des hommes, parce que le pouvoir serait, puisqu'on sait, au niveau du secrétaire général, mais ça ne vous garantit pas, vous le disiez tout à fait, que donnera plus de transparence ou plus d'authenticité, puisque, comme vous l'avez rappelé, le secrétaire général, lui aussi, fait fondu actuellement. Jérôme Valk, Eric Champel, c'est réformable la FIFA? Oui, mais pas dans les délais qui ont été fixés. Je pense que c'est une... C'est une absurdité de vouloir organiser une élection le 26 février pour deux raisons. D'abord parce qu'on est encore dans une période de trouble, donc je pense qu'il faudrait mettre en place une gouvernance intermédiaire pour vraiment faire le ménage. Oui, mais avec la deuxième chose, oui, peut-être qu'avec des gens de l'administration, des gens très compétents au niveau de l'administration de la FIFA pour mettre en place les réformes et assainir le système, la première chose. La deuxième chose, si l'élection a lieu le 26 février à l'instant T, le favori c'est Sheikh Salman. Sheikh Salman aujourd'hui, qui a quand même plusieurs casseroles, dont le nom, enfin les ONG, certaines organisations de défense des droits de l'homme sont vent debout contre ce monsieur qui a quand même, dont le nom a été cité dans la répression assez violente d'une manifestation. D'avoir dénoncé les sportifs qui manifestaient pour la démocratie au Bahreïn. C'est quoi, on va se retrouver, on va avoir soigné la peste, on va se retrouver avec le choléra, c'est impensable à mon avis. Messieurs, est-ce que les fortes suspicions de corruption, disons cela comme ça pour le moment, est-ce que ces fortes suspicions peuvent remettre en cause les prochaines Coupes du Monde, que ce soit celle en Russie en 2018 ou au Qatar en 2022? Question très intéressante. Vous noterez qu'on ne parle plus du tout de la Russie. Aujourd'hui, on ne remet plus du tout en cause la Coupe du Monde 2018 en Russie. Ça va être dur. Hein. 2018, c'est trop tard. La géopolitique actuelle, on voit les rapprochements qu'il y a à cause pour combattre l'État islamique entre la Russie et de nombreux pays européens et les États-Unis. Donc, on ne parle plus du tout de la Russie. Le Qatar va poser un vrai problème. Il y a un vrai problème autour de Qatar 2022. Je pense que la prochaine étape, ça va être effectivement de mettre sur la place publique qui a touché de l'argent sur ces fameux comptes, sur ces 140 comptes où il y a eu des mouvements suspects. 140 transactions financières qui ont été mis en avant, exactement, qui ont été sortis par la justice américaine sur l'attribution des Coupes du Monde 2018 et 2022. Alors, Éric Champel dit la Russie, de toute façon, c'est trop tard, on ne pourra pas y toucher. Non, parce que 3 ans, et c'est 2018, 3 ans pour organiser une Coupe du Monde, il faut construire des stades. Ça ne se fait pas en 15 jours. Donc, 3 ans revenir en arrière, ça me paraît un petit peu compliqué. 2022, c'est encore possible. Mais 2022, ça pourrait être mis en cause, selon vous, aujourd'hui, compte tenu de la configuration de la FIFA telle qu'elle se présente? C'est-à-dire que, quand on voit le comité exécutif qui a voté, il y a 5 ans, l'attribution sur la Coupe du Monde au Qatar, sur les 22 membres, il en reste 5. Ça, c'est ceux qui ne sont pas encore inquiétés. Les autres, ils sont tous inquiétés par la justice. Et tu en parles? La boucle est bouclée quand même avec la suspension de ce comité exécutif, avec la suspension de Blatter et Platini. Ce comité exécutif de 22 membres, il y en a 80 à 90% aujourd'hui qui ont officiellement été rattrapés par affaires de corruption, soit par des soupçons de conflit d'intérêts, comme c'est le cas entre Blatter et Platini. Donc il est clair, parce qu'il faut quand même à un moment donné ramener les choses sur la notion d'éthique, il est clair que la question de l'organisation de la Coupe du Monde 2022 par le Qatar va se poser dans les semaines qui viennent de manière très claire. Et évidemment, on continuera sur France Info à suivre cette actualité de la FIFA tout au long de l'année 2016. Merci à vous deux, messieurs, Sébastien Hazard, l'un des spécialistes de football de France Info. Et puis merci à vous, Éric Champel, journaliste à France Football. Et puis auteur de FIFA Guest avec Philippe Auclair, c'est aux éditions Michel Lafon. Les mots de l'info, c'est sur France Info, bien évidemment. Et c'est à réécouter sur franceinfo.fr. Le livre fallait. Génération Jedi, épisode 17. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au rapport complexe qui existe entre la saga et son créateur. Nous allons voir comment Star Wars a changé George Lucas lui-même. Car celui qui se rêvait en cinéaste indépendant, chantre de la génération du nouvel Hollywood, est devenu, malgré lui, le symbole de la génération blockbuster. Rien pourtant ne destinait George Lucas à ce type de film, rappelle Pascal Pinton, auteur des effets spéciaux de siècle d'histoire. Lucas est un intellectuel. C'est quelqu'un qui a fait au départ des films comme American Graffiti, qui était une description d'une petite ville américaine, d'une époque, et puis THX 1138, qui était un film presque expérimental de science-fiction. Et donc, quand il a abordé Star Wars, c'était pour lui encore une autre corde qu'il apportait à son arc. Et Star Wars, en phagocyté, il a été clairement dépassé par tout ça. Dépassé par l'incroyable succès du film dès sa sortie en 1977, George Lucas se retrouve à 33 ans propulsé au rang de réalisateur superstar. Et déjà, le cinéaste a peur d'être catalogué sous son nom. Il s'en suit, ancien collaborateur de George Lucas. George ne s'attendait pas à ce succès. Personne ne s'y attendait. En fait, il pensait même que ça ne serait un terme à sa carrière ou que ce serait une ligne claire sur la route de sa carrière. Je pense qu'il a été très surpris que ça ne soit pas un frein, mais qu'au contraire, ça devienne quelque chose de plus grand. Ouais, c'est ça. Je ressens beaucoup de force dans cette salle de cinéma. Car à ce premier film vont s'en ajouter de nouveau l'Empire contre-attaque en 1980 et le retour du Jedi en 1983. Des succès qui lui rapportent des centaines de millions de dollars et lui permettent d'acheter son indépendance vis-à-vis d'Hollywood. Rafik Djoumi est journaliste, auteur de la biographie George Lucas, l'homme derrière le mythe. En se trouvant comme ça à la tête de ce truc énorme, il va se passer quelque chose dans son esprit qui va le faire basculer, parce que la seule chose à laquelle il croit fermement, c'est le contrôle sur sa création. Donc il va verrouiller tout ça, il va se voir comme une espèce de forteresse à l'écart d'Hollywood, et ses rapports vont être très difficiles dans les années 80. Il va se retrouver immédiatement dans une position de pouvoir inouïe pour quelqu'un d'aussi jeune à Hollywood. C'est magnifique. Bougez cet homme, vous avez tous tout tué. Je vais vous dire, c'est pas l'envie qui m'en manque, ma petite dame. Tout allait comme sur des roulettes, il a fallu que vous nous colliez là-dedans. C'est idiot, il n'en faudra pas longtemps pour nous repérer. Ouais, Sophie. George Lucas pose les premières pierres de son empire. Il fonde Lucasfilm, ILM, Skywalker Sound. Et au nord de San Francisco, il fait bâtir le symbole de son indépendance, le Skywalker Ranch, un espace dédié à la création et à l'originalité. Mais aussi au remontage de son œuvre, il ajoute des effets spéciaux, modifie des scènes. Han Solo ne tire plus le premier dans la cantina, quitte à refaire l'histoire et à se brouiller avec les fans. Fabrice Labrouche, co-auteur avec Francis Chal de Star Wars décrypté, de George Lucas à Walt Disney. C'est comme retoucher la Joconde, hein, comme certains disaient. Est-ce que Léonard de Vinci aurait aujourd'hui le droit de retoucher la Joconde s'il revenait parmi nous? Je pense que personne ne le laisserait faire. Donc, à un moment donné, l'œuvre ne lui appartient plus, elle appartient plus à son concepteur. Et je crois que c'est en ce sens-là qu'il s'est vraiment des ennemis, enfin, qu'il s'est fait des ennemis. Votre ami n'est qu'un mercenaire. En dehors de l'argent, il n'aime rien. La prélogie sortie en 1999 et 2003 accentue la rupture. En 2010, un film People versus George Lucas, le peuple contre George Lucas, s'intéresse à cette opposition. Des fans vont jusqu'à écrire une chanson intitulée « George Lucas a violé mon enfance ». Seigneur Lucas attend votre confirmation pour écouter de la musique avec qui vous entendez. In 1977, when the world became alive, a sci-fi movie so profound. Le côté obscur de George Lucas est puissant, il le dit, et le fait, il ne fait pas des films pour les fans, le créateur, c'est lui, à personne d'autre. Une position qu'il a toujours assumée jusqu'à se brouiller avec Disney après avoir vendu à la multinationale la franchise Star Wars pour 4 milliards de dollars. Contrairement à ce qui était prévu dans un premier temps, le cinéaste ne participe pas, ni de près ni de loin, au dernier Star Wars, le réveil de la force. Et le cinéaste d'annoncer sur CBS au mois de novembre qu'il divorce de son œuvre, justifiant ainsi son absence. When you break up with somebody, the first rule is no phone calls. Quand vous rompez avec quelqu'un, la première règle, c'est pas de coup de fil. La deuxième règle, c'est de ne pas traîner près de la maison de son ex. La troisième règle, c'est de ne pas fréquenter les endroits où va son ex. Il faut juste dire non, stop, je passe à autre chose. Mais à 71 ans, Georges Lucas a du mal à passer à autre chose. Il ne cesse de donner des interviews et son avis. Sur son cinquième opus, avec un brin d'amertume, comme lors de cet entretien à Vanity Fair il y a quelques semaines, lors duquel il annonce vouloir revenir à ses premiers amours, être un réalisateur expérimental. Vous faites un film et tout ce que vous récoltez, ce sont des critiques. Les gens vous disent quoi faire avant même que vous ne le fassiez. Ce n'est pas amusant et ça nuit à la créativité. Ça empêche de faire ce qu'on veut réellement faire. Je n'ai jamais aimé ça. J'ai commencé avec des films expérimentaux et c'est ce que je veux faire aujourd'hui, même si personne ne va les voir. Toute cette agitation a surchauffé les esprits de mon équipier. Des films expérimentaux, confidentiels, destinés à un public amateur du genre, sous l'inverse de Star Wars. La nuit, c'est trop facile. Très belle année 2016, il est minuit. Le flash Camille Revel. La page 2015 est donc tournée. Nous sommes le 1er janvier 2016. Vous êtes nombreux à fêter cette belle année. À Paris, les Champs-Elysées sont noires de monde ce soir, mais c'est en mouvement haute surveillance en France. Face à la menace terroriste, 100 000 policiers et gendarmes sont déployés à travers notre pays, dont 1600 pour la seule surveillance de la plus belle avenue du monde. La célébration s'est passée ce soir sans feu d'artifice. Mais Paris n'est pas la seule ville sous le coup d'une menace terroriste. En Allemagne, la police y met en garde face à un risque d'attentat. Cette nuit, à Munich, elle a fait évacuer deux gares dans la gare principale de la capitale bavaroise. C'est la police qui dit disposer d'un vice actuel conseil d'éviter les rassemblements. La police italienne augmente de 30% ses effectifs pour Mon premier devoir, c'est de vous protéger. Les mots de François Hollande, jeudi soir, pour les vœux du président de la République. Il se pose en protecteur face à une menace terroriste à son pouvoir. François Hollande, qui dit aussi vouloir faire de la lutte contre le chômage sa première priorité avec un plan massif de formation des demandeurs d'emploi. 500 000 personnes plus accompagnées vers les métiers de demain, mais aussi du président du climat. Il salue la réussite de la COP21. Nous sommes au moins 65 546 756 Français à avoir fêté le début de l'année 2013. L'INSEE a publié jeudi seulement ce chiffre de notre population officielle au 1er janvier 2013. On y apprend aussi que 2 000 Français sur 2 comptent moins de 500 habitants, avec leur nombre à diminuer au cours de ces 50 dernières années. Un feu d'artifice et des flammes rougeoyantes dans le ciel de Dubaï. Ce soir, des milliers de personnes ont assisté aux festivités du Nouvel An. Des festivités maintenues en dépit de l'incendie qui balait un hôtel de luxe depuis plusieurs heures. Il a fait 16 blessés, dont 14 légers, dans ce gratte-ciel de 63 étages. Tous les résidents de cet hôtel ont été évacués. Le président ivoirien Alassane Ouattara annonce avoir gracié 3100 détenus incarcérés lors de la crise post-électorale. Cette crise a débuté après le second tour de la présidentielle en 2010, le premier scrutin depuis 10 ans. À cause de fraude présumée, elle s'est soldée par l'arrestation du président sortant, Laurent Gbagbo. C'est une page de l'histoire de la Chine qui se tourne en fait ce 1er janvier. La politique de l'enfant unique est officiellement abandonnée en plus de 35 ans après la mise en place du contrôle des naissances. Les couples chinois peuvent désormais avoir 12 enfants, mais pas plus. À peine digéré le repas de la Saint-Sylvestre, se profile déjà la galette des rois avec l'épiphanie. Et si vous habitez en Meurthe-et-Moselle, vous pourriez trouver un diamant de vol 20 carats dans votre part. Un couple de boulangers va en cacher deux dans 800 galettes qu'il va distribuer. Elles sont mises en vente à Questine et Belleville, Fred Monti. Un coup d'œil sur le ciel du 1er jour de 2016, il sera gris avec des nuages pour la majeure partie du pays. De la pluie pour la Bretagne et le Sud-Est. Dans le quartier de l'Ouest, c'est aussi la Céline, mais ça ne devrait pas durer. Les températures sont en baisse, une nouvelle de 1 à 4 degrés. Il est 6h, c'est la nuit sur France Info. Les mots de la France. Un film français peut-il encore marcher aujourd'hui ? En tête d'affiche, alors laisse compter Star Wars et les Avengers. Le Star System est-il devenu incontournable ? Autour de la table des mots de l'info, Florence Leroy, chef du service culture de France Info. Bonjour Florence. Bonjour. Fabrice Lecourt-Funker à France Info. Bonjour Fabrice. Bonjour. Et Michel Saint-Jean, distributeur, producteur, PDG de Diafana. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté déjà notre invitation. Florence Leroy, question simple. En 2015, un film français peut-il marcher ? Ben, sans Vincent Lindon, Catherine Dufour, Canada, c'est encore Fabrice Lecourt-Funker. Ben c'est vrai qu'en regardant en examinant le box-office 2015, on peut se poser cette question. Alors, je veux dire que c'est une année qui a été difficile pour le cinéma français. On n'a pas encore les chiffres définitifs, mais la part de marché du cinéma français, c'est certain, sera largement en baisse par rapport à celle du cinéma américain. Figure Trust, les premières places du box-office. Et dans ce contexte, effectivement, les films français qui se sont le mieux sortis sont ceux qui étaient emmenés en quelque sorte par un ou une comédienne populaire. C'est vrai d'ailleurs autant pour les comédies très grand public que pour les films d'auteurs au sujet plus difficile. Les deux gros succès français de l'année sont Les Nouvelles Aventures d'Aladin et Le Prince 2. À l'affiche de ces deux films, il y a bien sûr Kev Adams. Autant dire que le chouchou des ados, à lui tout seul, a réuni plus de 7,5 millions de spectateurs. Et puis derrière ces films-là, lorsqu'on s'intéresse à la dizaine de films français qui ont approché ou qui ont passé la barre du million d'entrées, et notamment aux films plus singuliers, plus exigeants, on retrouve le même phénomène. On peut citer autour du million d'entrées Marguerite, le film de Xavier Giannoli avec Catherine Fro, en chanteuse d'opéra tragiquement fausse, La loi du marché de Stéphane Brisé avec Vincent Lindon, un chômeur longue durée, ou en ce moment L'Hermine avec Fabrice Lucchini en juste allure. Voilà, Fabrice Lucchini, Catherine Fro, Vincent Lindon, ce sont des comédiens qui assurent un minimum d'entrée, qui rassurent en quelque sorte le public, comme s'il y avait une prime, un certain lien de confiance avec le public, comme si ces comédiens en fond faisaient office de valeur refuge en temps de crise du cinéma. Alors Michel Saint-Jean, vous êtes distributeur, producteur, patron de Diafana. Cette année, l'un de vos succès s'appelle La loi du marché. On en parlait, l'histoire d'un quinquagénaire chômeur qui va trouver un nouveau travail et problème. Un dilemme moral ne va pas tarder à surgir. J'en ai su autant que toi. Moi aussi j'en ai un boulot, moi aussi je l'ai perdu. Et moi aussi j'en ai pas de moyens. J'ai touché 500 euros par mois. C'est vraiment pour payer toutes les factures que je me dois. Sinon, je m'en souviens. Michel Saint-Jean, est-ce que la loi du marché, sans Vincent Lindon, aurait pu connaître un aussi large succès ? Voilà. Question simple. C'est très difficile de répondre. Et c'est vrai que ça pourrait prévoir à l'avance si le succès ou le bon succès, ça va être difficile. C'est à la fois peut-être plus rassurant, mais moins excitant. Mm-hmm. On avait tous confiance dans le film, avant Cannes, avant même le prix d'interprétation pour Vincent. Mais le succès nous a un peu dépassé. Je pense qu'il y a eu un effet Vincent, ce que disait Florence tout à l'heure, très bien. C'est-à-dire, je pense que la présence d'un acteur très identifié dans un film de départ permet au moins au démarrage. Et je pense que c'est important aussi de se dire que la présence d'un acteur n'est pas un gage de succès sur la longueur. Mais par contre, la présence d'un acteur identifié au démarrage permet quand même de mettre en valeur le film. Après, est-ce que sans Vincent, le film aurait eu ce succès-là ? Non, évidemment, je ne pense pas. Mais je crois qu'il ne faut pas résumer le succès du film au discours de Vincent Lindon à Cannes, à son fort pouvoir de séduction. Le film a marché aussi parce que c'est un film fort, parce que c'est un film qui, au-delà du miroir qui tend au public sur la société, surtout sur des personnages qui sont en marge de cette société, c'est un film émouvant, c'est un film qui amène à réfléchir, c'est un film puissant. Et je crois que son succès, il est aussi lié à la nature du film. Professeur Leclerc, on peut parler de crise du cinéma français ou d'une mutation peut-être ? je pense qu'on va parler d'une crise économique, c'est sûr, et d'une crise aussi de création. Prenons le cas de Maïwenn, par exemple, qui a fait plus de 2 millions d'entrées avec Police, là, elle est à 680 000. Prenons Jacques Audiard aussi, qui a la Palme d'Or cette année à Cannes, qui, lui, il a toujours fait de gros soirs, 1 million, 2 millions d'entrées. La Dipane n'en fait même pas 700 000. Mm-hmm. Je crois qu'il y a quand même une vraie crise. Et de création et économique du cinéma français qui sont trop chocs en ce moment. Il y a des années avec, il y a des années sans. Là, c'est une année sans, mais sûrement à double temps. Donc là, c'est vrai, c'est vraiment difficile en ce moment. Franchement, je parle sous votre contrôle, mais il y a 25 films français qui vont sortir au mois de janvier. Michel Saint-Jean, quand on distribue des films, quand on les produit, comment on existe dans cette scène-là? C'est ce que finalement, il n'y a pas un besoin de ces acteurs populaires, comme vous le disiez, faut pas pour les voir, quoi, tout simplement. Quoi. Non, c'est évident que ça aide énormément, et c'est vrai qu'en termes à la fois, lorsqu'on est producteur, qu'on est à l'initiative d'un projet, ou lorsqu'on est distributeur, c'est vrai que la présence d'un acteur très identifié est un vrai atout. Après, je pense qu'il ne faut pas penser effectivement que c'est une condition absolument nécessaire, absolue, parce que sinon, je pense que ça peut altérer aussi les envies. Je crois que il faut surtout essayer de faire des films qui sont en phase avec la société dans laquelle on vit. C'est-à-dire qu'il faut mettre beaucoup de sincérité, d'honnêteté, de travail, d'abnégation. Et je pense que le public, la présence d'acteurs ou pas, je ne veux pas dire qu'il s'en moque un petit peu, mais les succès de Mustang, les succès des films étrangers comme The Lobster ou des choses comme ça, c'est des films où il n'y a pas d'acteurs, etc. Ils sont des films qui rencontrent le public, qui tiennent, qui plaisent. Donc, il n'y a pas de recette, vraiment il n'y a pas de recette. Il n'y a pas du coup trop de films, quand on dit 25 films français au mois de janvier, c'est énorme. Forcément, il y aura par exemple Les Chevaliers Blancs de Joachim Lafosse, c'est vrai que vous parlez en nous, on se dit que ça va sortir du lot, parce que les autres ont du mal forcément à exister dans la tête du public, non? Non mais ça c'est une question fondamentale, c'est-à-dire effectivement chaque semaine le public a une possibilité, un choix entre 5, 6, 7, 8, 10, 12 films des fois, et c'est vrai que si on n'est pas dans les 3 ou 4 premiers choix, vu la rotation des films, c'est vrai que certains films restent sur le carreau, mais en même temps, quel film on enlève? Quel film on ne fait plus? Quel film on s'interdit de faire? Enfin, le débat est très très vaste. La concurrence d'Hollywood, on en parle en filigrane, ça va se faire. Est-ce qu'il existe? Est-ce qu'elle est de plus en plus forte, tout simplement, cette année? Oui, une autre comme d'hab, en fait, plus importante cette année, mais c'est globalement comme d'habitude. Mm-hmm. Hollywood ne prend pas de part de marché du cinéma français. Donc on le voit très bien chaque année, quand le cinéma français est fort, le cinéma hollywoodien est plus faible. Mm-hmm. Et voilà, il y a vraiment un effet de balance, mais les films hollywoodiens n'ont jamais parasité des succès français. Ça ne s'est jamais vu. L'année d'Avatar, il y a des films français qui faisaient 7 millions d'entrées, donc non, ça n'a aucun rapport. Michel Saint-Jean, cette tendance, on va dire, est-ce qu'elle peut se confirmer de la valeur au film, en tout cas chez vous, dans votre travail au quotidien ou pas du tout, quoi? Non, très honnêtement, je pense qu'on ne rentre pas ce genre de paramètres de manière exclusive quand on a un désir de film, que ce soit en termes de production ou en termes de distribution. Ce qu'on essaye de faire, c'est de vérifier le plus honnêtement possible et surtout essayer une nouvelle fois de faire des films les plus honnêtes possibles, les plus justes possibles. Parce que en France, on a cette chance-là, contrairement à pas mal de pays européens, où il y a vraiment une vraie curiosité du public. C'est vrai qu'il y a une concentration, surtout après ce qui s'est passé le 13 novembre, c'est vrai qu'il y a une concentration sur les films plus faciles, sur les comédies, etc. Mais il y a toujours une place incroyable en France, grâce au parc de salles, grâce au pouvoir public, le public répond présent. Il y a toujours une curiosité sur les films sans casque, sur les films qui viennent de cinématographie, de diffuseurs. Alors peut-être que ça a tendance un petit peu à se réduire par rapport à il y a quelques années, mais il y a une vraie curiosité. Et nous, notre job, c'est vraiment d'essayer de l'enrichir et de nourrir cette curiosité. C'est vrai qu'il y a une vraie diversité. Ben, François, je vous pose la même question. Est-ce que cette tendance valeur refuge, entre guillemets, est-ce qu'elle peut se confirmer ou est-ce qu'on se confirmera en 2016 sur un passager de crise. C'est sûr qu'on peut penser qu'elle soit poursuivie un peu parce qu'on sent bien qu'en le public est un peu volatile, comme le disait Michel, a envie de comédie, donc sur des films plus difficiles. On sent bien, comme je le disais, que pendant le mois de janvier, moi je pense que les gens, en voyant que Vincent Landon est à l'affiche des Chevaliers Blancs, ou en voyant d'autres acteurs comme ça un peu plus emblématiques, je pense à Géraldine Nakache et Virginie Efira dans le film de Marion Vernoux et sa sœur qui sort aussi au mois de janvier, peut-être que les gens ont tendance à aller là. Mais c'est vrai, comme le disait Michel, on est dans une période où on a du mal à cerner tout à fait les envies du public. On est dans une période qui pose des questions. Après, on aura la réponse en 2016, hein, c'est ce qu'on verra. 2016, Fabrice Lucien, là aussi, assez illisible du côté du public. Assez illisible du côté du public, mais le public est toujours illisible. C'est ça qui est bien. Non, il y a plus de grands films quand même. On attend Les Visiteurs, on attend un nouveau Brice de Nice pour essayer de faire des entrées. Les grands auteurs français ont beaucoup travaillé l'année dernière, donc ils seront forcément pas là l'année prochaine. Puis il y a d'autres questions. Le cinéma français, parlons juste en seconde, l'économie va pas très bien en termes de financement. Canal Plus, ils ont négocié des accords avec le cinéma français et sans Canal Plus, c'est pas le cinéma français. En 2016, c'est sur ça depuis une année assez emblématique et difficile. On vient l'année prochaine, donc Michel Saint-Jean, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Florence, merci Fabrice. Bon, l'info, c'est sur France Info et franceinfo.fr. Tout et son contraire. Philippe Vandel. Norman, bonjour. Bonjour. On dit Norman ou Norman Tavo? On dit Norman. Vous êtes humoriste, comédien, mais vous êtes surtout youtubeur. Je vais donner le chiffre pour les plus de 25 ans qui ne vous connaissent pas. Votre chaîne YouTube, Norman fait des vidéos, dépasse les 6,5 millions d'abonnés. Votre page Facebook, 4,2 millions de fans. Votre compte Twitter est suivi par 3 800 000 abonnés. Et vos vidéos ont déjà été visionnées plus de 800 millions de fois. Vous avez commencé en postant des petits films comme ça depuis votre chambre. Vous êtes une star qui provoque une émeute quand elle fait une signature. Je vous ai vu dans des snacks. Et vous ne restez pas cantonné à Internet. Puisque vous êtes monté sur scène, ça s'appelle Norman sur scène. Pour quelle raison? Moi, c'est évidemment un rêve de gosse de faire de la scène. Ah bon? Ouais, depuis toujours. Je pensais pas qu'on pouvait devenir humoriste comme ça. Je pensais qu'il fallait être connu. Genre de base pour devenir humoriste. C'est un peu bizarre. C'est drôle, moi je pensais qu'il fallait être humoriste pour être connu. Bah ouais, moi c'était vraiment l'inverse. Je me disais, attends, Gad Elmaleh, etc., ils étaient connus, et après ils ont fait de l'humour. Pas du tout. C'est vraiment le chemin inverse. Et puis finalement, moi j'ai fait ce chemin inverse, c'est-à-dire que je me suis fait connaître sur YouTube sans faire exprès finalement. Ouais. Et puis quand il y a eu cette notoriété, j'ai vu que j'arrivais à faire rire les gens et que ça m'amusait aussi. J'ai commencé à essayer de m'intéresser à la scène, j'ai rencontré mon metteur en scène Kader Aoun, qui m'a clairement mis le pied à l'étrier. Qui avait travaillé avec Jamel avant. Tout à fait. Et si je ne l'avais pas rencontré, je le dis clairement, j'aurais jamais fait de one-man show de toute ma vie. Il m'a un petit peu forcé parce que j'étais un peu timide au début. Et puis finalement, une fois que le one-man show m'a piqué, et ben maintenant, j'y suis resté, je suis maintenant dans la caisse. Vraiment? Totalement, j'arrive pas à ne pas monter sur scène. Si je montais sur scène pendant une semaine, je me sens pas bien. Sans dépenser un seul centime en publicité, vous avez eu 50 000 réservations juste en faisant une petite annonce à la fin de vos vidéos. Désormais, plus de 200 000 personnes ont vu le spectacle. Et à Paris, il y aura province, vous avez tourné en toute la France. Et là, il y a une prolongation, vous êtes sur la scène du Palace jusqu'à fin janvier. Tout à fait. Et après, quand ça va s'arrêter, vous êtes malheureux? Un manque? Je sais pas. Dans un sketch, vous avez cette interrogation. Suis-je un arriéré mental? C'est une bonne question, je vous la pose. Je sais pas si je pourrais y répondre. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai 28 ans. Je parle de la vie d'un mec de 28 ans. Et quand je vois qu'il y a des enfants de 10 ans qui sont morts de rire et qu'il y a des filles qui viennent me voir dans la rue, je me dis attends, elles me voient pas, je leur fais. Elles me disent non, ma petite sœur de 10 ans, t'adore. Et elles-mêmes sont déjà petites. Donc. C'est un petit peu vexant et je me dis, attends, mais peut-être que finalement je suis arrière mental. Et quand je fais une vidéo qui parle de ma vie, et ben, je vais la monter à la tête d'un mec de 8 ans. Dans votre tête, vous avez quel âge? Dans ma tête, j'ai un âge universel. C'est-à-dire que j'ai des amis qui ont tous les âges. J'ai des amis très jeunes, j'ai des amis très vieux. C'est pour ça le problème. Ah oui, dans ma tête, j'ai 17 ans. D'accord. Et vous avez tous les âges? Je sais pas. Je me suis un petit peu ancré dans un personnage quand j'ai commencé mes vidéos. J'essaie d'être moi-même en permanence, mais c'est qu'on me le rappelle en permanence, je suis sur les plateaux de télé, les gens me disent « Alors Norman, le jeune, que veut dire le mot swag ?» Je suis un petit peu coincé dans un personnage que je ne veux pas forcément jouer. Donc j'ai l'impression qu'on me force à être un peu jeune. Parce que j'ai 28 ans, je suis censé être un adulte. Parce que je ne sais pas si c'est une chose. Sur scène, vous parlez de votre père, et qui ne connaît pas Instagram. Et il dit comment? Il appelle ça « Amstramgram ». Mais pour de vrai, il l'a vraiment dit. Il l'a vraiment dit une fois, je lui ai dit, attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ne bouge pas, je prends mon carnet de notes et c'est une prochaine vanne, c'est tout. Il n'y a pas besoin de fioritures, telle quelle, c'est parfait. Et mon père est un humoriste sans s'en rendre compte, c'est un auteur sans s'en rendre compte dans la vie. Et alors, il me dit qu'il fait des textos de vieux. Et c'est quoi un texto de vieux? C'est un texto vide. Voilà, mon père m'envoie très souvent des textos vides. Et encore ce matin, il m'a appelé depuis sa poche. C'est un truc qu'il fait souvent. Il n'a pas trop d'intérêt, mais il a toujours pas réussi à bloquer son téléphone, j'ai l'impression. Mais quand vous lui dites, il vous dit quoi? Il me dit qu'il a pas fait exprès, mais il le refait le lendemain. Il y a un paradoxe, c'est que alors qu'Internet semble être en lieu de toutes les libertés, vous dites au contraire que vous êtes beaucoup plus libre sur scène. Oui. Expliquez. J'ai une idée aussi de dire que sur Internet, on est libre. Alors, c'est vrai qu'on est libre de parler de ce qu'on veut. Cependant, si on veut être apprécié sur Internet, on ne peut pas parler de ce qu'on veut. Si un jour je fais une vidéo sur les Juifs, c'est pas possible. Parce que c'est des sujets qui divisent les gens, qui sont évidemment très sensibles. C'est très dur de faire des blagues bien perçues sur ce sujet. Sur les religions, les communautés, ne serait-ce que les sujets politiques. Voilà pourquoi c'est ce que je veux pas aborder. C'est pas que je veux absolument être apprécié de tout le monde. J'essaie de prendre un peu parti comme je peux. Mais il y a plein de sujets qui sont touchy.

Dès qu'on demande à un cheval de faire quelque chose, il fuit, il s'allonge, il fait le 2000, mais il fera jamais ce que vous voulez qu'il fasse. Donc c'est très capricieux et c'était très très très dur de faire ce sketch. Merci beaucoup Norman d'être venu nous voir. Merci à vous, merci pour cette interview. Et j'aime bien les interviews qui sont pertinentes et intelligentes. Voilà, tout flatteur, il te dépend de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. Waouh, je suis blessé. Waouh, une claque de culture. Merci. Nouveau monde, Thomas Rozek. La lettre a-t-elle aussi agité dans le domaine du streaming qu'elle l'a été en 2015? C'est ce qu'on se demande parce qu'on remonte un peu le fil de ces derniers mois. Tant dans le secteur de l'image que du son, le streaming a été un terrain de jeu mouvementé. On a vu par exemple les plateformes se démultiplier pour ce qui est de la musique, avec le lancement de celle d'Apple, mais aussi de celle du rappeur Jay-Z, Tidal, chacun des acteurs déjà en place répliquant avec de nouvelles offres, de nouvelles fonctions, alimentant tous une surenchère qui pour l'instant semble surtout bénéficier aux consommateurs plutôt qu'aux artistes. Côté vidéo, outre Netflix de plus en plus implanté et les offres traditionnelles en France des principaux opérateurs et de certaines chaînes comme Canal+, de nouvelles plateformes continuent là aussi d'émerger, faisant risquer au marché la saturation tant il est vrai que les catalogues ont un peu tendance à se ressembler et que le porte-monnaie des usagers n'est pas extensible, surtout en ce moment. Il n'y aura donc pas de la place pour tout le monde, on peut donc s'attendre à une recomposition à plus ou moins long terme du paysage du streaming. Mais la question qui risque par contre de se régler prochainement, c'est une problématique technique. Pourra-t-on bientôt profiter de nos abonnements aux services de streaming lorsque nous passons la frontière? Car oui, les voyageurs en ont sûrement déjà fait l'expérience, pour l'instant ça n'est pas le cas. Sortie de France, impossible de se connecter à moins d'utiliser quelques ruses numériques qui existent certes mais ne sont pas forcément à la portée technique de tous. L'Union Européenne réfléchit en ce moment à changer ses règles sur la portabilité, comme on dit, des contenus numériques, c'est-à-dire à donner la possibilité aux abonnés des plateformes de streaming vidéo ou audio de pouvoir utiliser leurs comptes dans tous les pays de l'Union, avec tout de même une petite restriction temporelle, on ne pourra le faire que sur quelques jours ou quelques semaines, pour éviter que les petits marins s'amusent à prendre des abonnements dans les pays où ils coûtent le moins cher, pour en profiter à l'année chez eux. Dans l'idée, cette abolition des frontières européennes du streaming interviendrait en 2017, en même temps que la fin des frais d'itinérance pour le téléphone. Mais il faudra d'abord négocier âprement à Bruxelles dans les mois qui viennent, puisque l'idée suscite déjà des réticences du côté des producteurs de contenu, les licences audiovisuelles n'étant pas les mêmes en fonction des pays. Ça ne changera rien, assure-t-on, du côté de la Commission européenne, ça reste à prouver tout de même. Au livre du jour, Philippe Vallet. Le café connaît une véritable révolution. C'est ce que démontre le grand spécialiste du café, Hippolyte Courty, dans un livre très illustré sur cette boisson qui est la deuxième la plus consommée au monde, avec près d'un milliard de tasses servies chaque jour. Un livre unique qui passe en revue l'histoire, les variétés, l'agriculture, la préparation ou les mille façons de déguster un café. Un art de vivre pluriséculaire et convivial. Hippolyte Courty assiste à la montée en qualité du café. Ça, c'est tout nouveau. Le haut de gamme est là, il pointe. Il représente plein en volume, beaucoup de façon médiatique, et il a beaucoup de suiveurs et d'acteurs. Il y a plusieurs façons de préparer le café. À chaque étape de fabrication du café, il y a des actions importantes et qui connaissent des véritables révolutions. L'agriculture, la fermentation, qui, comme l'œnologie dans le vin, connaît un approfondissement considérable et une grande diversité. La torréfaction, qui connaît elle est aussi une vraie révolution. Et puis ensuite, les modes de préparation avec l'émergence d'un nouveau métier tenu par les baristas. Ce sont ceux qui font le café et qui, là, peuvent valoriser au mieux, sublimer la matière première. Et pour être Courty, il y a des cafés exceptionnels dans le monde. Oui, comme le Bourbon pointu de la Réunion, comme certains geishas du Panama, comme certains l'Aquitaine du Timor oriental, où vraiment on est là sur des joyaux qui sont produits à quelques dizaines ou centaines de kilos par an et qui donnent un plaisir gustatif qui n'a d'égal que ceux des très grands vins ou des très grands mets. Café d'Hippolyte Courty est publié aux éditions du Chêne. Minuit 6h, la nuit sur France Info. Thank you. Pinceau, très bonne année à toutes et à tous. Nous sommes en 2016 et il est 1h, le flash Camille Revel. Arrêtez de fumer, se remettre au sport ou peut-être voyager. Nous sommes le 1er janvier, c'est donc l'heure des bonnes résolutions. Et celles de François Hollande sont déjà prises. Le président de la République a présenté ses traditionnels vœux aux Français jeudi soir. Voici ses deux priorités. D'abord, la lutte contre le chômage et puis la guerre contre le terrorisme. François Hollande annonce une hausse de la formation et de l'apprentissage pour 500 000 chômeurs supplémentaires. La menace terroriste est à son plus haut niveau, dit le président de la République, qui appelle aussi le Parlement à voter la déchéance de nationalité pour les binationaux reconnus coupables de terrorisme. Ce projet vise la gauche. Ces vœux diversement accueillis au sein de la classe politique. Rien de d'assurant pour Hervé Mariton, député Les Républicains de la Drôme. François Hollande n'a pas pris la mesure de la situation de la France, dit la patronne du Front National, Marine Le Pen. Et puis le secrétaire national du Parti communiste, Pierre Laurent, lui dénonce de belles paroles, mais pas de mesures efficaces pour l'emploi. Vous êtes nombreux à voir Sabrel Champagne ce soir. Si vous êtes à Paris, vous êtes peut-être allé faire un tour sur les Champs-Élysées. Pas de feu d'artifice sur la plus belle avenue du monde, mais 1600 policiers et gendarmes. La vigilance est renforcée en France face à la menace terroriste. 100 000 membres des forces de l'ordre sont déployés à travers notre pays. La menace terroriste aussi en Allemagne. La police a évacué il y a quelques heures d'Uber à Munich. Elle dit avoir reçu des informations sur un risque d'attentat cette nuit dans la capitale bavaroise. Elle conseille donc aux habitants d'éviter les grands rassemblements. Une vague d'arrestations à Bruxelles ce jeudi avec 6 interpellations dans le cadre de l'enquête sur un éventuel projet d'attaque dans la capitale belge. En parallèle, les investigations sur les attentats de Paris se poursuivent aussi en Belgique. La justice a inculpé un 10e individu pour son implication pour assassinat terroriste. Eux fêtent la nouvelle année dans l'illégalité la plus totale dans la Nièvre. 10 000 personnes attendues pour une rave party interdite par la préfecture pour cause de proximité avec un site classé Céveso. 2000 fêtards sont déjà sur place pour ce technival qui doit durer jusqu'à dimanche dans les communes de Garchy et Suilly-la-Tour. En Guadeloupe, le CHU de Pointe-à-Pitre condamné à verser plus de 400 000 euros à une patiente amputée en raison d'un défaut de surveillance. La justice dénonce une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de l'hôpital. Il y a 9 ans, cette patiente quinquagénaire admise pour un coma diabétique a été amputée d'une partie de sa jambe droite après s'être plaint de douleur suite à la pose d'un cathéter. Puis elle avait contracté une infection nécessitant de nouvelles interventions. Ursula Gauthier posera le pied sur le sol français d'ici quelques heures. La journaliste correspondante de l'Obs a été expulsée de Chine ce jeudi soir après des articles qui ont déplu aux autorités portant sur la politique de Pékin dans le Xinjiang. Le gouvernement chinois réclamait de sa part des excuses publiques devant le refus de la journaliste. Il n'a pas renouvelé son visa. Un coup d'œil sur le ciel du premier jour de 2016. Il sera gris ce vendredi avec des nuages pour la majeure partie du pays. De la pluie pour la Bretagne et le sud-est. Pour le quart sud-ouest, un ciel assez lumineux, mais ça ne devrait pas durer. Les températures de votre matinée, 1 à Dijon, 3 à Clermont-Ferrand, 4 à Lille, 8 à Toulouse et Bordeaux. GMF, l'assureur qui prend soin de vous, vous présente ses meilleurs vœux pour 2016. Rappelez-vous de rester vigilant si vous prenez la route. GMF, assurément humain. France Info. Minuit 6h, c'est la nuit sur France Info. Génération Jedi. Mathieu Mandoloni. Baptiste Schweitzer. Génération Jedi, épisode 16. Aujourd'hui, nous allons voir comment les Jedi s'entraînent pour devenir Jedi. Nous vous avions parlé de cette nouvelle religion qui existe depuis 15 ans maintenant, le jediisme, un culte non-déiste qui se pratique essentiellement en ligne. Mais dans l'Illinois, les membres des Chicago Jedi se retrouvent tous les week-ends pour discuter, échanger autour de cette nouvelle croyance. Ils se sont donné rendez-vous dans la petite ville de Plainfield, à une 60aine de kilomètres de Chicago. Et en ce samedi, une dizaine de Jedi pousse la porte de l'Académie d'arts martiaux Shikara. Hey, hello. Tous ces hommes et femmes sont fans de Star Wars, mais ils ont trouvé davantage encore dans la saga une foi, une croyance dans les préceptes des chevaliers imaginés par Lucas et inspirés notamment des philosophies orientales. Et l'entraînement qui durera 3 heures démarre sur un grand tatami autour du pasteur Gabriel Calderon, Pour être un Jedi, il faut être calme et concentré. One of the basic things is meditation. Un des principes de base, c'est la méditation. Mais il y a aussi des entraînements physiques pour rester en bonne santé. On s'entraîne pour être plus en forme aujourd'hui qu'hier. Et en même temps, en devenant meilleur, on prend conscience qu'on peut aussi aider les gens autour de nous. Au secours, Obi-Wan Kenobi. Parmi les Jedi présents ce jour-là, Jenna Seves, à 28 ans, elle est padawan, c'est-à-dire apprentie. Assise en tailleur, les bras recouverts de tatouages et une mèche rose dans les cheveux, elle se relaxe. Suivre la voie du Jedi l'a changée. Rencontrer les Chicago Jedi a fait de moi une personne plus forte. Je me sens plus équilibrée, simplement meilleure. C'est un environnement très apaisant et rassurant. C'est un environnement très relaxé et très confortable. Votre prochain dans votre programme me paraît comme les autres fois dans le côté obscur de la vie. Vêtus de robes brunes et sables ou de kimonos rouges et noirs, les Chicago Jedi achèvent leur séance de méditation et commencent l'entraînement d'arts martiaux avec leurs sabres, répliques des sabres laser de la saga. Méditation et arts martiaux, c'est ce qui plaît à Justice, colosse de 2 mètres, cheveux longs, grosse barbe blonde. Son parcours de vie l'a naturellement poussé vers les Chicago Jedi. J'avais déjà commencé à m'entraîner avec Sensei Ross, mais pas en tant que Jedi. Je faisais du jujitsu, je suis un ancien militaire qui a servi dans la Navy pendant 10 ans. Être Jedi, c'est s'améliorer et aider les autres. C'est de la discipline, du self-contrôle et être en paix. C'est parce que maintenant, je comprends ce que je vous dis, compris ? Quel aussi grand splendeur, vous allez m'écouter. Il n'y a qu'une seule personne à qui j'accepte d'obéir, c'est moi. Sensei Ross, c'est Ross Greenberg, le propriétaire des lieux et prof d'arts martiaux. Il a le rang de gardien Jedi. Il est responsable de l'ordre moral au sein du groupe. C'est comme les Jedi de Star Wars, il croit en la force. Il est un expert du maniement du sabre laser, mais contrairement à Yoda ou Obi-Wan, il ne fait pas léviter les pierres, explique-t-il avec humour. Vite, vite, vite. Non. I've never been able to move a stone with my mind. Non. Avec mes poings, avec mes pieds peut-être, mais pas avec mon esprit. Génération Jedi. La carrure imposante et l'humour de ce grand gaillard masquent pourtant une immense sensibilité. Les épreuves de la vie ne l'ont pas épargné, mais la voix du Jedi lui a permis de les traverser, comme lorsqu'il a dû gérer un divorce douloureux. I was like, oh man, I don't get it. You know, I teach this stuff, and why I'm going through all this emotional turmoil. Et je me disais, un mec, je comprends pas. J'apprends aux autres à se contrôler. Pourquoi moi, j'y arrive pas? Il n'y a pas d'émotion, il n'y a que la paix. Mais ah, je ne suis qu'émotion, je pète les plombs. Et en fait, c'était vraiment une épreuve pour moi. Je devais retourner en moi, puiser la force et me reconstruire. Vous deviez amener l'équilibre dans la force, pas la condamner à l'ennemi. Pas d'émotion, mais la paix, l'un des credos du code Jedi, l'une des 5 phrases que tous les Jedi connaissent. Et qu'ils partagent comme cette autre conviction. Ils peuvent changer le monde à leur niveau, à leur manière, explique Gabriel Calderon. Devenir des héros ordinaires. Star Wars changed my life in more ways than I can. Star Wars a changé de très nombreux aspects de ma vie. Dès le début, j'ai ressenti une connexion avec les films, avec l'histoire, avec Luke Skywalker. Cette idée que quelqu'un qui n'est personne peut devenir un héros, c'est le message le plus fort. Tout le monde peut être un héros. Même si vous n'y croyez pas, les autres vous verront comme un héros. You may not see yourself like that, but other people will. Que répond votre cœur à cette question? Il recrute Venom maintenant dans les commentaires. Le livre du jour. Philippe Vallet. Le café connaît une véritable révolution. C'est ce que démontre le grand spécialiste du café, Hippolyte Courty, dans un livre très illustré sur cette boisson qui est la deuxième la plus consommée au monde, avec plus d'un milliard de tasses servies chaque jour. Un livre unique qui passe en revue l'histoire, les variétés, l'agriculture, les préparations ou les mille façons de déguster un café. Un art de vivre pluriséculaire et convivial. Hippolyte Courty. On assiste à la montée en qualité du café, ça c'est tout nouveau. Le haut de gamme est là, il pointe. Il représente peu en volume, beaucoup de façon médiatique et il a beaucoup de suiveurs et d'acteurs. Il y a plusieurs façons de préparer le café. À chaque étape de fabrication du café, il y a des actions importantes et qui connaissent des véritables révolutions. L'agriculture, la fermentation qui, comme l'œnologie dans le vin, connaît un approfondissement considérable avec une grande diversité. La torréfaction qui connaît elle est aussi une vraie révolution. Et puis ensuite, les modes de préparation avec l'émergence d'un nouveau métier tenu par les baristas. Ce sont ceux qui font le café et qui, là, peuvent valoriser au mieux, sublimer la matière première. Hippolyte Courty, il y a des cafés exceptionnels dans le monde. Oui, comme le Bourbon Pointu de La Réunion, comme certains Geisha du Panama, comme certains L'Acutaine du Timor Oriental, où vraiment on est là sur des joyaux qui sont produits à quelques dizaines ou centaines de kilos par an et qui donnent un plaisir gustatif qui n'a d'égal que ceux des très grands vins ou des très grands mets. Café d'Hippolyte Courty est publié aux éditions du Chêne. Tout comprendre. Pascal Legarne. Tout le monde connaît la petite frimousse ronde et jaune parcourue d'un trait noir souriant et trouée de deux ovales noirs qui figurent les yeux. Mais savez-vous où et comment est né le premier smiley? Alors des vœux et des souhaits de bonnes et heureuses années, Odile Amblard, rédactrice en chef adjointe du magazine I Love English, nous dit qui a inventé ce smiley. On sait que c'est un graphiste aux États-Unis en 1963. En fait, il a répondu à la demande d'un patron d'une compagnie d'assurance qui cherchait à redonner le sourire à ses employés. Et donc, ce jour-là, il était très inspiré parce qu'en fait, en 10 minutes, il a trouvé l'idée du siècle. Il a dessiné un visage tout rond, jaune, percé d'un grand sourire. Et la compagnie d'assurance a imprimé ce dessin sur des milliers de badges. Les smileys sont aujourd'hui dans nos smartphones, on en voit facilement. À qui on doit cela? C'est la même personne? Non, c'est pas la même personne. En fait, il y a eu en France, donc un Français qui a fait connaître le smiley dans les années 70 en l'utilisant dans un quotidien pour souligner les bonnes nouvelles. Ce quotidien, c'était François. Et puis cet homme, en fait, a eu la bonne idée de créer la Smiley Company, qui a vendu des milliers d'objets marqués du smiley. Et ensuite, le smiley a été repris par l'industrie du disque. Aux États-Unis, l'industrie de la musique. Et je suis sûre que vous vous en souvenez, le groupe Nirvana, en 91, a créé le premier smiley détourné. Un smiley noir, avec un sourire jaune et une langue jaune, bien entendu. C'est la fin des vacances de Noël. Une petite idée avec ses enfants et les smileys? Oui, on peut, avec de jeunes enfants, jouer au jeu des smileys avec son portable. On leur montre différents smileys et on leur demande de nous montrer celui qui correspond à leur humeur. C'est une façon de les amener à mettre des mots sur leurs sentiments, d'apprendre à en parler et puis petit à petit d'apprendre à les maîtriser. Odile Amblard, rédactrice en chef adjointe du magazine I Love English. Alors une bonne adresse pour tous les fans de smileys. Il existe à Londres le Smiley Shop à Box Park Shoreditch. Chemise, t-shirt, réveil, étagère, bijoux, la boutique est le paradis du smiley. En direct des régions. Lyon se revendique toujours capitale de la gastronomie et à quelques heures du réveillon, la bonne chère garde ses adeptes. Bruno Blunzer, charcutier, tient à cette touche locale. Un saucisson truffé, un pistachet truffé à 3 ou à 5%. Puis simplement à l'eau avec des pommes vapeur ou mis en brioche comme on fait là pour l'apéritif. Je suis cuisinier à la base, j'ai fait mes classes dans des grandes maisons sur Lyon, donc on amène ce petit côté justement de fabrication de la charcuterie avec de la pâtisserie charcutière, les bouchées à la reine au riz de veau, on fait des gratins de blettes à la truffe, on agrémente aussi avec des produits festifs, on accommode aussi bien un côté charcuterie traditionnel avec le petit côté un peu plus festif sur des produits foie gras, la truffe, voilà. Sur la table du réveillon, des lyonnaiseries, mais pas seulement. Non, il n'y a pas de touche spécialement lyonnaise, mais par contre, je viens spécialement mal pour faire J'ai acheté des quenelles lyonnaises, voilà, moi je suis de Lyon aussi, moi j'aime tout, alors étranger, pas étranger, tout va bien. À Lyon, Christophe Vincent. On dordogne cette semaine, un artisan caroleur dit sa colère à François Hollande, et plutôt... Prendre une feuille et un stylo, Thierry Darcoulet écrit une chanson et imagine un clip. Installé à son compte depuis 11 ans à Montpellier-Monestérol, le jeune homme dit en avoir marre de payer trop de charges. Un ras-le-bol qui est arrivé un soir après avoir regardé un reportage sur les privilèges, comme il dit, accordés aux anciens présidents. Bonjour monsieur, monsieur le président, écoutez cette chanson.